Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Épisode 28, la post-vulgate partie 2, la quête du Saint Graal et la mort Arthur. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, pour conclure cette année 2019, nous allons aussi conclure un gros morceau de l'histoire de la légende arthurienne, c'est-à-dire la post-vulgate. Alors, on a commencé à vous parler de la post-vulgate la semaine dernière, donc on va vous renvoyer à cet épisode-là pour toute une partie du background de cette saga remaniée d'après la vulgate donc qu'on vous avait présentée l'année dernière. C'est une version, disons, condensée, narrativement resserrée de la légende arthurienne, plutôt centrée sur Arthur, mais qui inclut aussi, bien sûr, les aventures de Lancelot, la quête du Graal, et qui ajoute aussi, pour une bonne partie, des aventures qui sont issues du Tristan en prose, dont on vous avait parlé plus tôt cette année. Cette post-vulgate, elle est importante, on l'a déjà dit le mois passé, pardon, parce que elle a eu une influence énorme, en fait, cette post-vulgate. Elle a une influence notamment sur Mallory, qui en a retiré pas mal de ses récits dans ce qu'il a formé après le Morte d'Arthur. Et ça a du coup été une influence formidable pour la matière de Bretagne qu'on connaît maintenant, qui était extrêmement influencée par Mallory. Mais même à l'époque, elle a circulé largement, et pourtant, on n'a pas beaucoup de traces. Tout ce qu'on a comme trace de la fin de cette post-vulgate, on vous a déjà parlé de sa première partie qui nous a survécu, la suite du roman de Merlin, on vous en a déjà parlé le mois passé, mais pour tout ce qui est postérieur, pour tout ce qui concerne en fait sa partie, disons, médiane, on n'a presque rien, à part quelques fragments, et surtout, pour sa conclusion, en fait, sa quête et sa mort d'Arthur, on a seulement quelques fragments qui se retrouvent dans le Tristan en prose, dans les versions qui nous sont parvenues, qui les ont intégrées. Et surtout, on a deux versions hispaniques, enfin ibériques, disons. Alors, un peu plus de deux versions, mais on a effectivement des versions espagnoles, disons castillanes, et une version portugaise surtout. Notamment, alors les versions castillanes survivent surtout par des versions imprimées, parce qu'on est vraiment à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. La version portugaise, je crois, a un manuscrit, mais autrement, c'est vraiment des choses qui survivent surtout par cette diffusion massive. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elles ont vraiment survécu essentiellement dans ces deux versions portugaises et castillanes, et pas en français. Donc ça a été un peu le parcours du combattant pour admettre que elle s'articulait avec cette suite du roman de Merlin. On l'a vu le mois passé, c'est Fanny Bogdanov essentiellement qui a porté ce cycle à bout de bras et qui en a parlé comme vraiment d'une œuvre unitaire, même plus que d'un cycle d'ailleurs. Pour elle, c'est pas un cycle comme la Vulgate qui s'est composée d'éléments écrits et rattachés les uns avec les autres successivement. Pour elle, ce qu'elle a appelé le roman du Graal, ou la post-vulgate ou le roman du Graal, c'est vraiment un roman entier, en fait, qui a trois parties, un début, un milieu et une fin, avec au cœur cette espèce de temps aventureux qui s'ouvre par le coup douloureux que portait Balin au roi Méhénier dans la suite du roman de Merlin, et qui s'achève avec la découverte du Saint Graal. Et puis tout ça, c'est encadré par une origine du Graal et du royaume arthurien, et une mort d'Arthur. Et tout ça, conclut probablement l'évolution, disons, de la matière de Bretagne cyclique, avec une version vraiment très resserrée, où un auteur peut-être unique, ou en tout cas un compilateur vraiment zélé, a réussi à en faire quelque chose de plus dense, en fait, que la matière de Bretagne qui nous était parvenue jusque-là. Le ton va changer aussi, comme on va le discuter dans un instant, mais je pense qu'il faut souligner que beaucoup des controverses et des débats sur l'unité ou pas du cycle qu'on a mentionné la dernière fois deviennent vraiment apparents ici. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on se rend compte qu'on repose pour l'histoire sur des versions imprimées, surtout des versions imprimées castillanes, mais il y a aussi un manuscrit, le manuscrit de Salamanca, 1877, qui date de la fin du XVe siècle quand même, donc est assez tardif. Le manuscrit portugais date de la fin, en tout cas le manuscrit portugais qui est conservé à la Torre do Tombo à Lisbonne, manuscrit 643 là-bas, date de la fin du XIIIe siècle. Et du coup, Il y a plusieurs problèmes qui se posent dans le fait de les faire concorder. Typiquement, les versions castillanes, qui sont... Moi, j'en ai lu une, elles deviennent un peu incohérentes. La version portugaise est un peu meilleure. Et il y a quand même un travail de reconstruction à faire. Et même quand on a le texte suivi de Bogdanov, il y a beaucoup, disons, d'incohérences. Alors, le problème, c'est que dans la littérature médiévale, c'est pas si rare que ça. Vous avez beaucoup de textes dont on sait que, oui, ils ont été rédigés a priori par un seul auteur, et pourtant, le truc n'est pas très cohérent. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut peut-être pas non plus chercher trop de cohérence. Mais... il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Typiquement, Paloma Gracia a beaucoup écrit sur la question dans le Author of the Iberians, justement de cette série de l'Université du Pays de Galles où ils ont fait tous ces livres sur différents Arthurs dans différents pays. Ils ont un volume Author of the Iberians, donc l'Arthur des Ibériens de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Et elle écrit l'article dessus sur le cycle de la post-vulgate dans la péninsule ibérienne, ainsi qu'un article général sur la mature arthurienne dans la péninsule. Et de ce que je comprends, là, elle présente une vision assez classique, finalement, de la reconstitution, mais après qu'elle a écrit ça, au fil des années, elle est devenue un peu plus sceptique. Elle a organisé un colloque, notamment, sur, je crois que l'intitulé, c'était la post-vulgate en question. C'est-à-dire, est-ce que les théories qu'on a, les interprétations qu'on a, marchent ? Un des problèmes qu'on a, c'est typiquement la question de savoir est-ce qu'il y avait une estoire du Graal au début ou pas. Alors, dans la version portugaise, on l'a, ça c'est sûr. Dans les versions castillanes, on a une espèce de continuité entre les deux et c'est présenté comme un tout. Mais un gros problème, c'est qu'on a des tendances de la fin du XIIIe siècle ou même du XVe siècle, qu'on a une tendance à la compilation. C'est-à-dire, à la fin du XIIIe siècle, vous avez des compilations comme celle de Rusticien de Pise, par exemple, dont on a déjà parlé dans le cadre du Tristan en prose. Donc, qu'est-ce qui nous dit que cette version portugaise qu'on a, elle ne fait pas aussi un travail de synthèse qu'il n'y avait pas dans son... Même si elle a été inspirée par des choses françaises, peut-être que la version portugaise fait un travail de synthèse qu'il n'y avait pas avant. Pareil pour les versions imprimées. Au XVe siècle, justement, le manuscrit de Salamanca, c'est vraiment contemporain. C'est la même année, a priori, il a été rédigé la même année que Malory fait Le Morte d'Arthur. Donc c'est la même année où, dans d'autres régions d'Europe, on a des gens qui compilent toute la légende arthurienne dans un espèce de tout continu. Pareil pour, en France, on a Michaud Gonneau ou Michel Gonneau, 1470, exactement la même année, il fait la même chose. Donc certains arguments qui ont surgi, c'est pour dire peut-être qu'une part de la cohérence qu'on a en tout cas dans les versions espagnoles, portugaises, qu'elles soient imprimées ou manuscrites, peut-être qu'une part, c'est aussi un travail qui s'est fait dans la péninsule ibérique et que la version française qu'il y avait avant n'était pas aussi synthétique que ça. C'est probable, mais il faut quand même rappeler qu'il y a une raison pour laquelle on fait correspondre ces versions, disons, ibériques avec la version du manuscrit, enfin, le roman, la suite du roman de Merlin tel qu'il est relaté, tel que cet ensemble est relaté dans le manuscrit Hutt, c'est aussi parce qu'il y a régulièrement ces mentions qu'on est face à la troisième partie d'un cycle, qu'elle correspond notamment par l'utilisation, la présence d'aventures qui sont déjà annoncées dans le roman de Merlin, et aussi parce qu'on y répète régulièrement des allusions au roman du cri, au roman d'Elbret, donc, qui serait une source supplémentaire pour les lecteurs de cette matière. Donc ce qui me paraît certain en tout cas, c'est quand même qu'il y a une relation, qu'il y a un intermédiaire français qui correspondait, qui s'articulait avec la suite du roman de Merlin pour former, alors peut-être un ensemble, en tout cas quelque chose de relié. Mais après, ce qui paraît certain, c'est qu'effectivement, quand on lit, quand vous lisez surtout la mort d'Arthur dans ses versions ibériques, elle est extrêmement condensée. C'est presque perturbant quand vous voyez que, par exemple, on passe d'un coup d'œil à une guerre contre Lancelot qui est résolue en un paragraphe sans même de dialogue, et qu'on nous explique qu'ensuite, il y a Arthur qui décide de nouveau de se battre contre Lancelot, puis qu'après, on nous expédie toutes les aventures contre l'empereur de Rome en vraiment un tiers de paragraphe, et qu'on se retrouve avec Mordred qui a envahi la moitié, qui a pris possession de la Bretagne. Non, c'est assez frappant quand on lit leur version de la mort d'Arthur, on a l'impression de lire un résumé en fait. Oui, on a l'impression de ne pas lire le texte, on a l'impression que quelqu'un l'a déjà résumé pour nous. Disons, il y a quelques passages qui sont vraiment très explicites, typiquement tout le début, toute le procès de Guenièvre, la découverte des amants, le bûcher de Guenièvre, et sa sauvegarde, disons, par la rescousse dans laquelle se livrent les hommes de Lancelot, mais aussi à la fin, par exemple, ce qui suit la mort d'Arthur. Mais l'essentiel est quand même extrêmement condensé. Bah, typiquement, la bataille de Salusbière, la grande bataille qui met fin au royaume arthurien, c'est un paragraphe. Et puis, explique, et au début, en plus, on a l'impression qu'on va nous parler de plusieurs batailles, que c'est la première, puis après, ouais. ils vont se battre. Non, ah, tiens, Mordred et Arthur sont battus, il est mort, il est blessé à mort. Il y a une accumulation, d'ailleurs, c'est incroyable, parce qu'il y a une accumulation de prophéties sur qui va mourir pendant cette bataille, on prend même pas le temps d'avoir un moment dramatique. pratique pour chacun d'entre eux. Et surtout, il y a vraiment un passage où on apprend que Mordred est mort et que quelqu'un se balade avec sa tête. Genre, il est mort hors champ. Il est, on le voit pas mourir, le grand méchant. Alors, il est, c'est un peu plus explicite dans la version. Je crois que tu as lu la version espagnole. Alors, moi, j'ai lu la un peu plus explicite dans la version portugaise qui a servi de source à la traduction anglaise que j'ai lue. Mais c'est pas beaucoup plus. Hein, c'est vraiment, on s'expédie donc, assez vite. Effectivement, il y a Bliobéris qui récupère la tête de Mordred comme ça, vraiment. Mm-hmm. À brûle pour point, puis qui se balade avec pendant un petit moment. C'est assez... Donc, moi j'ai lu, on va peut-être parler de ça après, j'ai lu la version castillane qui est basée sur une version imprimée. Par contre, sur la question de l'original français, il y a des extraits du texte qui sont assez explicites sur le fait qu'ils ont un original français. Par exemple, dans la version castillane, au chapitre 194, on nous dit « Et tous avaient péri dans la quête du Saint Graal », donc il avait fait une liste de chevaliers, il nous dit « Et tous avaient péri dans la quête du Saint Graal, je ne vous en dirai pas plus, puisque le comte vous en a déjà parlé de la façon dont certains trouvèrent la mort. Quant aux autres, j'ai lu leur mort en français, mais je ne l'ai pas traduite en castillan. En outre, l'histoire en latin rapporte encore d'autres choses que je n'ai pas relatées ici. » Alors, on a l'invocation d'une histoire en latin, c'est un motif assez classique. C'est peut-être un Geoffrey de Monmouth. Un Geoffrey de Monmouth, ou un. Voilà, peut-être qu'il fait référence à un texte latin qui existe, comme l'Historia Regum Britanniae, ou en tout cas dire j'ai un livre en latin où il y a la vraie histoire dedans, parce que c'est une vieille histoire. Mais en tout cas, il nous dit il y a des choses dans l'histoire en français que je n'ai pas traduites. Une chose qu'il faut dire aussi, qu'on a déjà mentionné la dernière fois, c'est la profonde compatibilité de la post-vulgate avec la vulgate. C'est très rétro-compatible, pour prendre un terme de l'histoire des jeux vidéo. Typiquement, on nous mentionne plusieurs fois, cette histoire s'est produite, je ne vais pas vous la raconter, elle est dans le livre de Galahad. Le livre de Galahad, c'est quoi? C'est la quest d'El Saint Graal de la version vulgate standard. Donc ils vont mentionner par exemple des aventures de la quête et ils vont dire Galahad a accompli ça ici, on va pas vous le raconter parce que vous pouvez aller lire la version standard de toute façon. On mentionnera aussi d'autres livres. Oui, il y a un côté dans les grandes lignes en fait, une espèce de canon rétroactif qui se passe plus ou moins. Alors après c'est clair que c'est des œuvres qui pouvaient s'articuler dans certains cas avec des textes de la Vulgate modifiés ou qui pouvaient très bien s'intercaler avec. Notamment par exemple, alors Fanny Bogdanov par exemple dans ses travaux sur la question, à explorer un peu comment ils articulaient ça, avec quelle forme d'histoire du Saint Graal. Et il semble assez probable qu'effectivement l'histoire d'El Saint Graal qui est utilisée, c'est le Joseph d'Arimathie qui est servi en fait de base, de première partie, soit très très similaire à celui de la Vulgate avec quelques petites versions. Et effectivement, la caisse, quand on retombe dans la caisse, on retombe vraiment dans des terrains familiers. Alors c'est les mêmes genres de personnages qui ont les mêmes interactions, on a des événements qui n'apparaissent pas. Typiquement, il n'y a pas le conflit entre Lionel et Bort, par exemple. Si, en tout cas dans la version castillane. Ah, il apparaît, mais il n'apparaît pas de façon exactement pareille, disons. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, mais Il y a des moments alternatifs, mais il y a quand même, on retrouve un moment, par exemple, la mort de la sœur de Perceval. On retrouve, par exemple, Perceval, Bort et Galahad qui sont sur une nef ensemble. Il y a tous ces événements-là qui sont là quand même, quoi. On va pas forcément tout vous détailler, justement, parce que beaucoup de choses sont soit assez répétitives, soit des histoires qu'on a déjà vues dans la quête d'El Saint Graal. On résumera un petit peu. Mais dans cette compatibilité, bien sûr, l'exemple typique, c'est ce qu'on a vu la dernière fois quand la suite du roman de Merlin renvoyait au livre de Lancelot. Il disait « c'est trop long, donc je l'ai pas mis ici ». Donc c'était une manière de dire « le Lancelot propre existe, il fait partie de la continuité, mais juste, on n'en a pas besoin pour l'histoire qu'on veut raconter ». Pareil quand on mentionne ici aussi parfois le livre de Tristan. C'est logiquement le Tristan en prose ou quelque chose d'assimilé. Et puis bien sûr le conte du cri, le conte d'Elbray, qui raconterait justement la mort de Merlin et puis peut-être certaines aventures qu'on nous raconte pas ici. Je me demande si le conte d'Elbray doit être pas vu comme aussi un récit de prophétie en fait. Parce que c'est beaucoup des trucs qui pourraient être des prophéties qu'aura faites Merlin ou une compilation du genre. Puis comme cadre narratif, ça permet de dire ah bah, le conte du grec qui raconte toutes les prophéties nous explique que par exemple tel machin, tel chevalier va mourir à tel endroit, tel moment, de telle façon. Peut-être un mot sur les. Du coup, on va pas se concentrer énormément dessus. Hein. On vous l'a dit, c'est très synthétisé, c'est très dense. C'est plus difficile de faire des conclusions sur ce à quoi devait ressembler la post-vulgate. Disons, avec la suite du roman de Merlin qu'on avait le mois dernier, c'était peut-être plus simple parce que on a clairement une œuvre en français qui est différente du reste de la vulgate et qui est unique et sur laquelle on peut tirer des conclusions. C'est plus difficile avec ces récits-là qui ont subi quand même beaucoup plus de transformations, qui ont été traduits, qui ont été abrégés sans doute. Édité, donc on va peut-être pas faire des grandes considérations et on peut peut-être plus s'intéresser à ce qui est plus inédit ou ce qui est intéressant, disons ce que ça révèle, disons sur les choix qui ont été faits. Un mot peut-être sur les éditions qu'on a utilisées de nouveau. Mm-hmm. Alors il y a des éditions donc des versions portugaises et des versions espagnoles. Alors la version portugaise, l'édition je crois un peu standard, c'est la disons la plus ancienne, celle qui a servi un peu de base aussi à Bogdanov, il me semble. C'est la version qu'on a donnée à Augusto Magne, ou Magne, je ne sais pas comment il se prononce, A Demanda do Santo Graal, donc c'est la version portugaise, publiée à Rio de Janeiro en 1955. Bogdanov, elle, a fourni aussi une compilation en utilisant les versions espagnoles, portugaises et les fragments en français qu'elle a trouvé dans le Tristan. Et ça, c'est un peu son grand œuvre, disons, dans lequel, après avoir fait son œuvre Romance of the Grail, dans lequel elle présentait l'œuvre telle qu'elle la comprenait, dans la version post-vulgate de la caisse d'El Saint Graal et de la mort Arthur, troisième partie du roman du Graal, elle publie vraiment son texte tel qu'elle le reconstruit, quoi, mais dans les langues originales, hein, sans vraiment le traduire, il me semble. Non, elle fait justement une édition. Les passages sont en français, qu'on a une version française avec la comparaison avec les versions castillanes et portugaises, ou justement une reconstitution dans un espèce de gallico-portugais pour les passages qu'on n'a pas en français. Donc ces deux-là ne sont pas forcément très, très pratiques. Après, il y a une autre version portugaise éditée par un certain Joseph Maria Piel à Lisbonne en 88. Et on le verra, c'est les versions portugaises avec celles de Fanny Bogdanov qui ont servi de base à la traduction anglaise. Mais le texte espagnol a aussi été édité donc après ces versions imprimées, disons, du XVIe siècle, Laïs. Et cette version-là a été traduite en français, il me semble. Hein. Oui, donc c'est c'est une édition de 1907 qui fait un petit peu référence. La Demanda del Santo Grial con los maravillosos fecos de Lanzarote de Galas su hijo. Donc la demande du Saint Graal avec les merveilles et les faits de Lancelot et de Galahad, son fils. Du coup, dans cette tradition espagnole, le Lanzarote, on mentionne parfois un Lanzarote, un Lancelot, mais en fait, ce Lancelot, c'est la mort Arthur, parce que logiquement, ça concerne les aventures de Lancelot et son amour avec Guenièvre, mais il n'y a pas de livre de Lancelot lui-même. Elle a été éditée par Adolfo Bonilla y San Martín dans la nouvelle bibliothèque des auteurs espagnols, c'était le numéro 6. Elle est disponible en ligne, vous pouvez même la télécharger sur deux colonnes de texte. Elle se base sur quoi ? Elle se base, alors il y a le manuscrit de Salamanca, on l'a dit, 1877, qui est écrit, transcrit entre 1469 et 1470. Il y a une édition de 1515 imprimée, qui est probablement basée sur une édition perdue de 1500, d'après ce qu'on pense, et une édition de 1535, qui est un peu l'édition de référence, qui est aussi facilement disponible en ligne si vous voulez la lire. Qui date de 1135 à Séville. Elle se présente comment ? Celle-ci, c'est aussi deux colonnes de texte, et puis il y a des tas de petites rubriques. C'est-à-dire que vous allez avoir chapitre 322, puis vous avez deux paragraphes de texte, et donc les chapitres sont intitulés. Il y a des petites erreurs dans les versions imprimées, où des fois la note du chapitre ne correspond pas vraiment à la... comment dire, à ce qui se passe dans le texte. Donc parfois, l'édition a amendé ça, ou a fait des notes. Elle a été traduite en ligne, donc si vous voulez la lire en ligne, vous pouvez le faire gratuitement, traduite en français. Elle a été faite en 2006 aux éditions UGA, puis mise en ligne sur Open Books. Alors c'est Juan Vivas, je crois, qui a traduit la... Si j'ai bien compris, non, c'était... Non, Juan Vivas, c'est le nom du scribe, en fait. Ah, c'est ça. Donc c'est le scribe Juan Vivas, c'est Vincent Sévra et Philippe Walter qui l'ont traduit ensemble. Oui. D'accord. Et qui ont fait l'introduction aussi. Je crois que c'est surtout Vincent Sévra qui l'a fait et que Philippe Walter a fait l'introduction. D'accord. Et puis cette version-là, donc publiée aux éditions UGA, vous pouvez la trouver en version papier. Hein. Je l'ai vu en papier. Mais effectivement, si ça vous va de lire en ligne, vous pouvez y accéder en forme de page web toute simple sur Open Edition Books, donc books.openedition.org. Puis vous tapez Quête du Saint Graal et la mort Arthur, Juan Vivas. Ça fait un peu bizarre de mettre Juan Vivas quand même, parce que c'est clair que c'est une version anonyme et que c'est juste le nom du scribe, mais enfin... Apparemment, c'est rattaché à son nom, peut-être pas juste le scribe, peut-être que c'est effectivement lui le compilateur, l'auteur, etc. Mais effectivement, ça fait un peu bizarre de mettre Juan Vivas dans le champ auteur. Quoi. Après, si votre bibliothèque y a accès, ou si vous voulez payer un peu plus cher, vous pouvez y avoir un PDF ou bien un EPUB. Parce que sinon, oui, il faut la lire en ligne. Sinon, il faut la lire en ligne à la patte. Mais vous avez tout, vous avez une bibliographie, une petite introduction, donc c'est pas trop mal, c'est une façon comme une autre de le lire. Après, c'est pas forcément la plus complète. Je crois que pour celle-ci, vous allez devoir vous référer à la version que moi j'ai utilisée, qui est celle de Martha Asher, qui a traduit dans la collection du Lancelot Graal The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate in Translation, édité par Norris J. Lacey dans les années 90. Moi j'ai la version de Garland Publishing, mais je crois qu'il y a aussi des versions paperback qui ont été republiées depuis. Ça, c'est un. Donc, les deux derniers volumes. Le dernier volume, en fait, contient la conclusion de la continuation de Merlin, la suite du Merlin, et puis vous avez la quête du Saint Graal, et puis la mort d'Arthur, de la version post-vulgate, ainsi qu'un très sympa, disons, un résumé complet chapitre par chapitre de à la fois tout le Lancelot Graal et de toute la post-vulgate. Et vous pouvez aussi avoir donc vous pouvez aussi trouver, si vous avez le volume 4 et le volume 5 par exemple, vous pouvez comparer aussi assez facilement avec le récit de La caisse et de la mort Vulgate. Si vous n'avez pas envie d'acheter les deux volumes 2 et 3 qui composent l'intégralité du Lancelot, ou bien le volume 1 qui comprennent l'introduction, l'histoire du Saint Graal et le Merlin. En tout, 5 volumes très lourds, mais bon, ils sont relativement fins, disons, une fois qu'ils sont en grand, grand format. Après, c'est pas le plus simple à lire non plus, c'est vraiment un texte assez petit, assez dense, mais il y a un résumé assez complet, vous avez accès à peu près tout. Et alors, eux, ils se basent sur Magne autant que possible. Je ne sais pas comment on prononce en portugais. Ils utilisent Piel parfois et Bogdanov quand elle a un truc qui est tiré des versions en français qui paraît un peu plus logique, disons. C'est une solution. Donc c'est ça. Donc si vous voulez lire une bonne version un peu complète, vous avez la version anglaise qu'Antoine tu viens de nommer. Et si vous voulez lire une version en français, bah vous avez la version gratuite traduite de la version castillane. Mais comme on l'a dit, c'est pas l'histoire complète. Il manque des épisodes. Elle est pas complètement cohérente. Et d'ailleurs, il faut la combiner avec une suite du Merlin de votre choix d'ailleurs. Mm-hmm. Mais d'ici à ce que quelqu'un édite une version bilingue de la post-vulgate telle que vue par Bogdanov. Je pense que c'est la meilleure option que vous aurez. Un ensemble de 3 volumes chez à la Pléiade avec le Tristan en prose, pourquoi pas. Ça devrait venir un jour, mais pour l'instant on l'a pas. En tout cas, voilà pour ce que nous avons lu. C'est peut-être pas le plus compliqué à accéder des textes que nous avons vus. Hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de juger quand on lit à quel point c'est représentatif de cette espèce de. C'est un peu le problème pour cette caisse et cette mort à Arthur qui sont vraiment. Qui nous survivent que très tardivement et dans une autre langue de ce que la version française a pu être. Alors, une fois n'est pas coutume, on va pas vous faire un bref résumé avant parce que vous connaissez finalement plus ou moins cette histoire déjà. On va simplement passer par une petite pause musicale. On va écouter un Caprice de Chaconne du compositeur italien Francesco Corbetta. C'est l'ensemble Capsberger mené par Rolf Lislevand. c'était le Capriccio di Ciacona per l'Abbé de Francesco Corbetta, l'ensemble Capsberger mené par Rolf Lislevand, et on va rentrer dans le vif du sujet avec la version donc de la Caste del Saint Graal selon la Post Vulgate. Donc l'histoire dans ses grandes lignes, comme tu l'as dit Antoine, suit vraiment l'histoire de la quête du Saint Graal qu'on a vu déjà. Je vous renvoie à notre épisode qu'on a fait dessus, parce que ça peut vraiment vous aider de le connaître. Si vous ne connaissez pas déjà l'histoire, ce serait un peu dommage de commencer par celle-là. Mais globalement, vous avez une quête du Saint Graal qui est déclarée à la Pentecôte, à la cour du roi Arthur. Galahad arrive à la cour, il enlève une épée merveilleuse d'un rocher qu'il est lui seul à pouvoir enlever. Il est démontré comme une espèce d'élu du Graal, son nom apparaît sur un siège à la table ronde. Le Graal apparaît à tout le monde et tout le monde se dit on va se lancer dans la quête et aller le chercher. Puis les chevaliers partent dans tous les sens, ils ont tendance un petit peu à s'affronter, s'entretuer, ils affrontent des espèces de merveilles à la fois diaboliques qui viennent soit de Dieu, soit du diable, on n'est pas toujours très sûr. Et puis finalement, trois élus parviennent à accomplir la quête, à trouver Corbenic, le palais du Graal, soigner le roi pêcheur, et finalement le Graal est translaté, c'est-à-dire qu'il retourne en Orient avec Galahad, et Galahad meurt, Bohort revient à la cour, et Perceval meurt en ermite. Donc vous avez ces trois élus qui accomplissent la quête, et on enchaîne, alors il n'y a pas vraiment de séparation dans la post-vulgate, on enchaîne immédiatement sur la mort du roi Arthur, à peu près le même scénario aussi, là encore plus proche, c'est-à-dire que la quête, il y a beaucoup de changements, je vais essayer de vous mentionner un peu les grosses différences, la mort ça change beaucoup moins, vous avez vraiment l'adultère entre Lancelot et Guenièvre qui est découvert, il y a une guerre qui est déclenchée entre Lancelot et Gauvin et ses frères, plusieurs des frères de Gauvin sont tués, ce qui déclenche la fuite de Lancelot avec Guenièvre, et l'affrontement, disons, le roi Arthur qui va essayer d'assiéger Lancelot en Gaule, ce qui ne marche pas. Lancelot arrive à se défendre dans un duel avec Gauvin qui finit par innocenter la reine, mais on apprend qu'en Grande-Bretagne, Mordred a trahi le roi. Arthur rentre en Grande-Bretagne, et puis dans une bataille, la bataille de Salisbury, il est tué, en tout cas blessé mortellement, alors que Mordred est tué, et il est emmené au loin, et on ne sait pas s'il est emporté, s'il va revenir. Sa mort est laissée incertaine. La fin de la mort Arthur change beaucoup, donc on a beaucoup de choses qui vont être rajoutées, on va insister plus sur certaines choses, et comme on l'a dit, beaucoup résumé, genre à un niveau qui est presque comique, au point où l'histoire devient compressée, telle que vous avez même plus le côté, la gravité de la scène n'est pas vraiment servie par le fait que c'est raconté en deux lignes. Mais ce qui change beaucoup vraiment, c'est la quête du Saint Graal. Et je pense que ce qui change vraiment au-delà de l'histoire elle-même, parce qu'on a des épisodes qui sont conservés, c'est le ton. Par exemple, quand vous avez le serment de la quête du Graal qui est déclenché dans la quête du Saint Graal, on dit, tous les chevaliers qui prêtent serment d'accomplir la quête du Graal, c'est vraiment, on va accomplir cette quête jusqu'à la mort, c'est vraiment, on va, jusqu'à ce qu'on va accomplir la quête ou alors on va mourir. Il n'y a pas disons d'intermédiaire. Tandis que là, dans la quête du Saint Graal post-vulgate, les chevaliers qui prêtent serment d'accomplir la quête, ils disent, on va la maintenir pendant un an et un jour. Alors oui, se vouer une quête pendant un an, ça reste long, mais il y a un côté beaucoup plus formalisé et presque un petit peu fonctionnaire, genre voilà, on s'engage dans cette quête de 366 jours, et puis sinon, bah tant pis, on laisse tomber, on rentre, c'est pas grave. Alors que, je vous rappelle que le motif de la quête du Graal, justement, Perceval, rien que dans le conte du Graal, Perceval, il erre pendant 5 ans. Dans les continuations, il erre pendant, basiquement, ce qui a l'air d'être la moitié de sa vie, pendant une trentaine, on sait pas combien de temps il a passé sur les routes, mais il a vieilli entre-temps. Là, par contre, c'est une quête de un an et un jour. Puis donc, on a vu que le motif de cette quête avait changé. C'est-à-dire qu'à la base, vous vous rappelez peut-être du conte du Graal de Chrétien de Troyes, il y a une dame qui arrive à la cour pour dire à Perceval « Tu aurais dû poser la question du Graal, tu ne l'as pas fait. » Perceval dit « Je vais me lancer dans la quête du Graal, mais pour l'instant, c'était encore une quête personnelle. » Il n'y avait que lui qui était concerné par cette quête. Mais la demoiselle qui arrivait à la cour annonçait aussi d'autres aventures, et les autres chevaliers, Gauvin et compagnie, disaient « Non, on va accomplir les autres aventures. » Donc ces deux motifs-là, donc la quête collective et la quête du Graal, ont été un peu fusionnés. Puis là, ça est devenu vraiment une quête collective, mais aussi beaucoup moins spirituelle, la gravité est bien moindre. On garde certains des thèmes, donc typiquement les dames ne peuvent pas accompagner leurs amants dans la quête, donc c'est très triste, tout le monde pleurniche. Arthur est triste que ses chevaliers partent, mais ça devient vraiment beaucoup plus sinistre, parce que typiquement, il y a une dame qui arrive à la cour avec une épée. Elle dit à Arthur d'essayer l'épée, puis il prend l'épée, ok, ça va très bien, puis elle veut l'essayer à tous les chevaliers parce qu'elle cherche un chevalier en particulier. Et on nous dit que finalement c'est Gauvin qui prend l'épée et que l'épée se couvre de sang. Alors bon, il n'y a pas besoin d'être très finaux pour comprendre que c'est un mauvais présage. Et elle dit justement qu'elle cherchait un homme qui allait tuer beaucoup de gens pendant la quête du Graal. Et donc, comme l'épée des goulines de sang, elle dit « Les chevaliers du palier se dirent entre eux, par ma foi, voici l'une des plus grandes merveilles que l'on vit jamais. » Et le roi demande alors à la demoiselle « Croyez-vous bien que c'est l'homme que vous recherchez ?»« Je ne le crois pas, j'en suis certaine, » répond-elle. « S'il prend part à la quête, il fera tant de ravages parmi les chevaliers présents que leurs lignées ne pourront plus s'en relever. » Et le roi, Arthur croit complètement ce que la dame dit, et il dit à Gauvin « Mon neveu, je vous prie de rester et de ne pas participer à la quête. » Donc on a déjà un présage que Gauvin va tuer énormément de gens. C'est quelque chose qu'il y avait déjà dans la mort Arthur, mais on ne le voyait pas vraiment tant que ça pendant la quête. Mais on voyait la tombe de Baudemagu, par exemple, qui avait été apparemment tuée par Gauvin. Et puis quand Gauvin revenait, on faisait le compte de tous les chevaliers qui étaient morts pendant la quête, et on disait qu'il y en a 30 qui étaient tués par Gauvin, donc ça fait quand même beaucoup. Mais là, c'est même présagé. Donc quelqu'un le dit à l'avance, si Gauvin participe à la quête, il va tuer plein de chevaliers. Il y a pas mal de trucs assez de présages un peu bizarres qui se passent avant. Alors bon, outre le début qui diffère un peu parce que c'est Lancelot qui va adoper Galad au début de tout début de la quête, il est appelé pour aller transformer son fils en chevalier. Et puis après, Galad arrive sur son trône. Il y a une scène que j'adore avec un chevalier d'Irlande qui tombe en pleurant et en feu depuis une fenêtre. C'est vraiment extrêmement bizarre. Les gens sont en train de manger ou je sais pas quoi, puis ils regardent, ils voient que ce type, il était en train d'escalader genre une paroi, il était accroché à une fenêtre, et il prend feu et il tombe en hurlant. Et puis on apprend par une lettre qu'en fait, il était dans une relation incestueuse. Il y a beaucoup d'inceste dans la post-vulgate aussi. Il y a pas mal de mauvais présages qui entourent le début, dont l'épée justement. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi, on a comme dans le Tristan Prod, donc l'arrivée de Tristan juste après le il voit dans cette version là il voit le Graal, mais il voit pas l'arrivée de Galad. Il arrive après que Galad ait reçu le siège périlleux, et que Erek, je crois, soit devenu Erek et Elin sont devenus chevaliers de la Table Ronde, mais il arrive à temps pour voir l'apparition du Graal. Et donc ils reçoivent comme une certaine grâce. Et Gauvin et tous les autres, enfin, c'est Gauvin qui commence la quête en fait, de façon assez intéressante. C'est Gauvin qui commence par jurer, qui fait le serment olympique un peu au nom de tous les athlètes. Pour dire oui, que je vais accomplir la quête. Et après, il se fait interdire par Gauvin justement. Il se fait interdire par Arthur. Arthur, oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand Arthur lui dit ne faites pas ça, vous avez vu cette épée, vous voyez le mauvais présage, mon neveu, ne participez pas à la quête, Gauvin répond Sire, vous ne devez rien croire de tout ce qu'elle vous dira, car tout ceci est du pur sortilège. N'avez-vous pas vu de vos propres yeux la reine Morgane et tout son entourage transformés en pierre ? Vous ne devez pas la croire. Ça, c'est un événement qu'on avait vu dans la suite du roman de Merlin. Parce que justement, Arthur avait vu Morgane et tout son entourage changer en pierre, et il a cru que c'était une punition divine, mais en fait non, c'était juste un enchantement. Donc Gauvin dit non, mais c'est pas un signe divin, c'est juste un enchantement. Et c'est assez intéressant comme changement de perspective, parce que quand vous regardez la quête du Saint Graal, on est dans un monde merveilleux où tout a du sens. Il y a des apparitions d'animaux qui représentent des choses symboliques, on a des visions christiques, eucharistiques sur le Graal, etc. Mais tout ça est significatif et réel, ça pointe vraiment vers des symboles qui pointent vraiment vers la réalité spirituelle du monde. Là, par contre, Gauvin dit « Non, mais c'est bon, c'est juste un sortilège, il n'y a pas besoin. » Ce qui est aussi quelque chose qu'on avait vu dans le motif, par exemple, des tests de chasteté avec le lait du corps et compagnie. Ça arrivait aussi, les gens disent « Ouais, mais c'est un enchantement. Qu'est-ce qu'on en sait si ça dit vraiment la vérité ?» Mais là, c'est logique, parce que bon, il est envoyé par Morgane et compagnie. Là, c'est un petit peu plus bizarre. On nous fait toute une liste d'ailleurs des chevaliers qui partent à la quête. On les liste entièrement. Hein, là, alors, on dit qu'il y en a 150, mais on ne liste pas forcément 150. Pas 150, mais on n'est pas loin. Difficile. Bon, après, il y en a. Alors, autant il y a Erek, fils de Lac, bon, on le connaît, Lucain le Bouteiller, Yvain, fils d'Urien, Yvain en Blanchemain. Après, on en a des un peu plus exotiques. On a Yvain de Canelones en Allemagne, Gurès le Jeune, Lélas le Ruveau. Il a un nom à sortir d'un roman d'Heroic Fantasy, lui, par exemple. Donc, toute une série de chevaliers qu'on ne connaît que par cette liste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas de nous dire, les chevaliers, par ordre, disons, où ils vont accomplir la quête. C'est vraiment, on a Galad, Tristan, Lancelot, Bord. Donc là, on a atteint déjà un autre qui va atteindre la fin de la quête. Bliobéris, Lionel, Hector Desmar, Brandinor, le frère d'Hector Desmar, Elin le Blanc. Puis après, plus tard, on a Perceval qui est mélangé avec d'autres. Donc il y a vraiment des tas de... Il y en a des tas de... Ouais, vraiment, il y a des chevaliers qu'on ne connaît pas et dont on ne rencontrera pas une trace d'ailleurs. Hein. On dira juste qu'il y en a des tas qui meurent pendant le... Régulièrement, on va voir pendant cette conclusion qu'on va arriver à un endroit où, là, il y a 18 chevaliers qui manquent, donc on met 18 nouveaux chevaliers, et puis tel ou tel devient chevalier de la Table Ronde, par exemple. C'est quelque chose qui est assez sinistre dans cette version-là, en tout cas. C'est qu'au fur et à mesure de la quête, vous vous rappelez que quand un chevalier meurt, son nom est effacé de son siège à la Table Ronde. Et donc Arthur reste à Camelot, et il peut littéralement suivre en direct qui meurt au jour le jour, parce qu'il regarde régulièrement les noms qui sont sur les sièges de la Table Ronde, pour voir qui est en train de se faire buter. Et donc, en grande partie, les gens qui meurent, c'est la faute de Gauvin. On voit régulièrement Gauvin. Alors, le personnage qui s'en sort le plus mal de la post-Vulgate, en tout cas dans la quête et dans la mort, c'est Gauvin. Alors, en termes de prestige, disons. En termes de prestige. Parce que, non, bah, il survit jusqu'à la mort Arthur, ce qui n'est pas le cas de toutes ses victimes. Mais il est vraiment présenté comme un menteur, comme trompeur, comme lâche. Il abandonne régulièrement des gens. Donc, des gens meurent par sa faute, soit parce qu'il les abandonne, soit parce qu'il les tue. Justement, il tue beaucoup de gens en duel qu'il n'aurait pas dû. Quand les gens veulent se venger ou lui reprochent des choses, il ment. Il admet même pas frontalement ses torts. Il est vraiment très mal représenté. Sur ce côté de l'enchantement de l'épée, je peux entrer une autre chose, c'est le château du Graal Corbenic. Alors on a déjà dit plusieurs fois, dès le départ, il y avait cette espèce de côté un peu mystérieux du château, c'est qu'on ne peut pas le retrouver. C'est un peu voilà, le village des Schtroumpfs, on n'arrive pas à le retrouver quand on veut. Mais c'est comme un... le village des Schtroumpfs, tu peux y passer autant que tu veux, puis tu vas manger le 4 heures, aller chez tonton Eliezer et grand-papa Péléan, hein, quand tu veux. Mais si tu... Bah, typiquement, on avait dit que dans la suite du Rond de Merlin, ce n'était pas très cohérent, parce que même quand il y a eu le coup douloureux et compagnie, les frères de Perceval se retrouvaient parfois au château, tranquillement, en train de manger avec leur oncle, et puis ça posait pas de problème. Puis d'un seul coup, la quête du Graal se déclenche, et puis là, maintenant, par contre, non, c'est très difficile de le retrouver. Bon, c'est pas très consistant. T'as les sirènes qui sont tombées, puis t'as les murs qui sont tombés. On est en lockdown, allez, on se cache tous. Et donc, cette fois-ci... Comme dans Star Wars, tu sais, où il ferme la base écho pour pas se faire remarquer par l'Empire. Je vais vous expliquer, le texte précise pourquoi on ne peut pas trouver le château, et c'est extrêmement mondain, justement. On nous dit au chapitre 316 de l'édition castillane, « Si vous me demandiez pourquoi les chevaliers errants ne pouvaient trouver Corbenic alors que cet endroit ne changeait pas de place, je vous dirais ceci. Sachez qu'il y eut un enchanteur, Tanabours, avant l'époque d'Outer Pendragon, qui était le plus savant, hormis Merlin, de tous ceux qui vécurent au royaume de Londres. Or, Londres, mais probablement que c'était l'ogre, mais là ça devient Londres. Or, il enchanta le château tant et si bien qu'aucun chevalier étranger à sa recherche ne pouvait le trouver à moins que l'aventure l'y conduisît. Quand bien même on se serait trouvé dans les alentours une centaine de fois, on aurait pu pour autant s'y rendre. Bien plus, si quelqu'un connaissant l'emplacement, voulait y conduire un chevalier, il n'aurait jamais retrouvé le château à cause de ce sortilège. Si Tanabours avait accompli tout cela, c'est à cause d'une femme très belle qui fut aimée par un chevalier de passage. Après que l'enchanteur eut jeté ce sort, le chevalier ne réussit plus à revenir vers sa dame, pas plus qu'elle vers lui, si bien que tous les deux trouvèrent la mort en comprenant qu'ils ne pourraient plus se revoir. Mais ça reste super incompatible avec le reste. Et ce charme dura dès avant le règne d'Uther Pendragon jusqu'à l'avènement du roi Charlemagne qui, ayant conquis la Bretagne, ordonna de le détruire et il n'y eut plus d'enchantement. Ayant rappelé ces faits que beaucoup ignorent, je reviendrai maintenant à mon propos. Oui, few people know that. Very few people know that, but Charlemagne actually invaded Britain. Il y a des références régulières à l'invasion de la Grande-Bretagne par Charlemagne. Alors on peut se demander si c'est les perpétuelles rivalités franco-anglaises qui disent « Ouais, mais de toute façon, vous savez, à un moment, Charlemagne, il en avait marre. » Mais du coup, il y a cette idée de Charlemagne qui envahit la Grande-Bretagne et qui détruit certaines... C'est peut-être une explication aussi pour pourquoi on n'a pas tous ces monuments arthuriens ou toutes ces villes arthuriennes, parce que pour Charlemagne, ils passent. Soit ils ont été détruits par les méchants, comme le roi Marc, soit ils ont été détruits, par exemple, par Charlemagne. C'est une raison comme une autre. En fait, il y a un peu cette idée, il y a les méchants qui détruisent tout, mais ils laissent des monuments en leur propre honneur, apparemment, et puis finalement... Charlemagne, c'est pas tellement qu'il est méchant, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt un côté vraiment... On met à Charlemagne la frontière entre l'histoire qu'on connaît et dont on est à peu près sûr. Charlemagne, bah voilà, c'est... On peut s'assurer, disons, on a des... Charlemagne, vous pouvez aller voir son palais, c'est à peu près sûr, vous pouvez aller voir ses archives, ouais. Vous avez des chroniques en latin relativement détaillées sur son règne. Avant Charlemagne, c'est un peu plus incertain, donc Charlemagne, c'est un peu ce point d'ancrage entre, bah voilà, c'est le dernier ancêtre connu vraiment avec certitude, et puis après, tout ce qu'il y a avant, bah, on va attribuer à lui le fait de l'avoir, soit d'en avoir perdu la trace, soit d'en avoir, de marquer la rupture, disons. Donc maintenant, je vais essayer d'enchaîner pour le reste du résumé. Donc ça, c'est un peu les deux choses que je trouve assez marquantes. L'épisode de l'épée, l'épisode du château de Corbenic, où vraiment ça devient mondain, où les sortilèges sont utilisés pour dire finalement « Non, vous n'avez pas une manifestation d'une vérité supérieure qui se manifeste. » Non, c'est juste des espèces d'enchantements. Faut dire aussi que plus régulièrement, alors que la quête de la Vulgate était très très religieuse, vraiment ce côté très spirituel, et elle était très focalisée sur les principaux chevaliers, on n'avait pas beaucoup d'autres aventures qui étaient connexes ou qui n'étaient pas vraiment directement liées à la quête du Graal. On voyait toujours trois merveilles, trois allégories par page qui nous étaient expliquées dans le moins de détails pour nous expliquer à quel point cette pierre ici représente la Trinité et cette croix représente en fait le prophète Abraham. Je t'ai bien eu. Et par contre, il y a régulièrement ces aventures alternantes. On rencontre la bête glatissante de temps en temps. On voit Palamède qui arrive et qui fait pas la même quête. On voit par exemple disons, une aventure avec des chevaliers qui se... Le même genre d'aventure qu'on trouverait dans les autres romans, en fait, ou dans le reste de du cycle, ben on le retrouve aussi ici, alors que dans la Vulgate, c'est un peu externe, en fait. Mm. C'est un peu plus dense et condensé dans la Vulgate. Ici, par contre, c'est plus étendu. On a des trucs un peu plus variés qui se passent. On a notamment toutes ces aventures où Gauvin rencontre un chevalier au hasard et se met à le tuer parce que, ben voilà, ils ne se reconnaissent pas. Puis en fait, c'était genre Baudet Magu ou bien c'était tel un autre... Un des 14 Yvains. Il y a au moins 4 Yvains. Genre, il y a plusieurs Yvains de suite qui meurent et à chaque fois, je croyais que c'était le Yvain Prime, quoi, le Yvain d'origine, mais en fait non, il est encore vivant parce qu'il meurt dans la mort Arthur. Je peux peut-être raconter un segment d'aventure qui vous donnera un peu une petite idée de à quoi ça ressemble. Ces aventures s'enchaînent un petit peu jusqu'à ce que justement on ait le bateau qui se mette à transporter les élus du Graal un peu à la fin. C'est vraiment le bateau qui arrive à la fin et qui dit « Ok, il faut qu'on raccorde avec l'intrigue maintenant, il faut qu'on conclue le roman. » Mais entre-temps, vous avez beaucoup de ces petites aventures. Vous avez Galad, par exemple, qui se trouve chez Dalides et son père. Et Dalides veut affronter Galad, mais Galad refuse de l'affronter, ou il veut pas, ou le déshonore en l'affrontant. Et du coup, Dalides se suicide. Il se transperce avec sa propre épée. Et du coup, il y a son père qui arrive derrière, et il se suicide aussi parce que son fils est mort. Et du coup, on a cette espèce de « Oh non, c'est horrible, on sait pas comment faire. » Bon, assez glauque. Et ensuite, à la croisée des chemins, Galad, Yvain et Dodinel vont se séparer, parce qu'ils vont voir trois aventures. Il y a trois aventures qui leur courent devant, en fait. Il y a Dodinel qui voit deux chevaliers qui se courent après, donc en fait c'est Tristan qui court après un autre chevalier, et Dodinel dit « je vais courir après eux ». Galad voit le cerf qui est entouré des quatre lions, vous vous rappelez, c'est un truc qu'on voit dans la quête du Saint Graal, mais aussi dans la préparation à la caisse dans le Lancelot propre, ce cerf entouré par quatre lions, pardon. Galad se dit « c'est mon aventure, j'y vais », et Yvain, lui, il court après la bête glatissante, donc là elle s'appelle pas la bête glatissante, elle s'appelle la bête bizarre, je sais plus exactement ce que c'est le terme, mais elle a toujours c'est comme des chiens dans le ventre qui font du bruit, et du coup, Yvain court après la bête, il voit qu'il n'arrive pas à la... il court après, mais il y a Palamède qui lui court après aussi, et qui lui dit « Non, monsieur, c'est ma quête. Vous pouvez pas le faire, c'est ma quête. C'est moi qui vais accomplir cette quête. » Yvain dit « Non, mais monsieur, je vous demande pardon. » Palamède réussit à le battre. Yvain rencontre notamment le père de Palamède, Esclabor, et lui raconte notamment que... en fait, Esclabor lui raconte que cette bête avait tué 5 de ses fils. C'est-à-dire qu'il l'avait traqué avec 5 de ses fils, et ils étaient arrivés au bord d'une espèce d'étendue d'eau, ils avaient cru qu'ils l'avaient cerné, mais la bête s'est mise à pousser un cri horrible, et puis un homme complètement noir de poids et aux yeux rouges qui est sorti et qui a trucidé ses 5 fils. Donc il y a une espèce de puissance démoniaque qui a protégé cette bête alors qu'elle allait être tuée, et du coup Palamède la chasse depuis 12 ans, littéralement parce que cette bête a tué toute sa famille, genre littéralement, à part son père, cette bête a tué toute sa famille, et du coup il a prêté serment qu'il la battrait et qu'il est le seul assez fort, et il s'entraîne en permanence pour être sûr d'être à la hauteur. Et donc il blesse Yvain et Girflet qui veulent tenter de se joindre la quête, il dit non, vous pouvez pas faire ça. Il y a d'ailleurs toute une histoire sur la bête glatissante qui est sur son origine, qui est sur une fille qui fait perdre son frère en prétendant qu'il a abusé d'elle alors que c'était pas vrai, le frère est tué, et puis pendant ce temps elle couche avec un démon, et puis elle finit par accoucher de cette bête affreuse comme une espèce de punition pour son crime. Un truc que j'aime bien dans l'histoire, c'est qu'on a régulièrement effectivement ces histoires de la bête, on a des rencontres avec encore un meurtre de Gauvin qui tue par exemple Yvain le bâtard, Yvain la voutre, la mort d'Yvain de Senel, puis du coup Yvain de Senel, c'est un de ces Yvains qui est rajouté, puis alors Yvain de Senel se balade avec Gauvin, puis après il y a un château où en fait c'est le château où Gauvin a tué la Morac. Et puis, on les avertit de ne pas rentrer. Gauvin décide de ne pas rentrer. Il y a une stèle qui annonce en fait, que c'est ici qu'est enterré la Mora et son clan. Et Gauvin sait que c'est lui qui a tué la Mora. Du coup, il dit « Yvain, j'ai pas envie d'aller là. » Puis Yvain dit « Moi, je ne suis pas un lâche, donc j'y irai. » Mais Yvain, il se fait brûler en fait, pour être associé avec Gauvin, alors qu'il n'a en fait, pas grand-chose à voir avec la mort de la Mora. Non, mais c'est son cousin, et donc il y a la vengeance un peu. C'est voilà, vrai, mais du coup, Arthur va... Gauvin qui va se faire accoster par la sœur d'Yvain de Senel, parce que c'est même Yvain de Senel, je sais pas quelle relation il a avec Gauvin en fait. C'est un cousin distinct, j'ai envie de dire. Il est aussi cousin avec Gauvin d'une certaine manière. En tout cas, la sœur d'Yvain va blâmer Gauvin pour la mort d'Yvain, et puis c'est Gauvin qui va tuer Patridès par exemple, le neveu de Baudemagu. C'est-à-dire que Patridès, c'est la sœur d'Yvain de Senel qui a été voir Patridès et qui lui a dit Yvain de Senel, mon frère, est mort par la faute de Gauvin. Gauvin est un très mauvais chevalier, il faut que tu ailles le trucider. Et Gauvin se fait attaquer par Patridès et le tue. Puis il se bat contre Baudemagu, qui est l'oncle de Patridès. Donc c'est vraiment cette espèce de vendetta sans fin où des gens tuent des gens de la famille de quelqu'un d'autre et ça continue pour. Et d'ailleurs, à la fin, Gauvin va se rebattre contre Baudemagu juste après. C'est aussi là, juste après ça, en fait, pour une raison, ils ont une chapelle périlleuse. Hector et Gauvin vont à une chapelle périlleuse, qui a, disons, des visions. on les oriente vers Nacien, et c'est là qu'il rencontre par exemple Ivar le bâtard, mais ils le reconnaissent pas, il joute puis il est tué. Et là, Nacien, l'ermite, dit à Nacien, c'est l'ermite par excellence, si un ermite c'est probablement Nacien dans, le, dans la post-vulgate. C'est là qu'il explique, on explique à Gauvin qu'en fait il est en péché mortel en permanence et qu'il réussira jamais la quête. Et d'ailleurs, juste après ça, on a justement par opposé vraiment les actions de Bort qui lui est disons nettoyé spirituellement et qui est confronté. C'est là que l'histoire que j'avais manqué effectivement avec cette histoire de où il est confronté, disons, qui est un peu différente quand même de la version de la Vulgate. Un peu différente, mais il est confronté à deux aventures, une où il pourrait sauver une Lionel et une où il pourrait sauver une jeune dame. Et il sauve la dame en fait. Which way, Westerman? Voilà, exactement. Mais alors, disons, Lionel est pas aussi. Disons, je trouve que Lionel est pas aussi. Alors, il tue quand même un ermite et il tue que à l'ogrenant, comme dans la version de la Vulgate. Mais là, c'est directement Dieu qui envoie du feu vraiment pour empêcher le. Perceval, Lionel et Bort de se battre, et il envoie en fait Perceval vers la Bort retrouver Perceval à la mer, et c'est là qu'on retrouve Perceval dans l'aventure, donc c'est très entrelacé hein, comme dans la version originale. Et Perceval, j'aime beaucoup parce que bah, il rencontre notamment Palamède, il en apprend. Palamède dit effectivement à Perceval, non, allez faire votre quête du Graal, moi j'ai cette quête de la bête glissante parce que je suis païen, je peux pas faire la quête du Graal. Et d'ailleurs il se convertira avant de pouvoir faire la quête du Graal. En fait il a un moment où il promet plusieurs fois qu'il veut se battre contre Galad, mais leur combat est tout le temps interrompu, où ils peuvent pas se battre, ils doivent le remettre à plus tard. Une fois je crois qu'ils trouvent Galad, et Galad est blessé, et du coup ils disent vous devez remettre le combat à plus tard. Et finalement quand le combat va se passer, Esclabor est très triste parce qu'il dit mais mon fils vous allez mourir, Galad est le meilleur chevalier, vous allez pas réussir à le battre. Ce qui est assez symétrique de ce qu'on avait vu avec Dalides qui lui avait combattu contre Galad et avait fini par se suicider à cause de la honte. Esclabor a peur pour son fils et du coup Palamède disons promet que s'il est vaincu il se convertira, et comme il est vaincu par Galad ben il se convertit et il peut du coup participer à peu près. Et bien je fais de table ronde d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup Perceval dans cette version de la caisse parce qu'il est vraiment, il arrête pas de own Lancelot. Il y a plein de scènes où Lancelot a des rêves bizarres puis Perceval lui explique mais c'est parce que t'es un sale pêcheur, parce que t'es couché avec la reine, c'était vraiment des sales pêchés, tu devrais arrêter. J'adore vraiment beaucoup tous les rêves de genre Lancelot par exemple, dans un de ses rêves il voit Guenièvre en train de se nu sur un siège en train de se faire brûler par les flammes de l'enfer ou dévorer par les flammes de l'enfer, et puis il dit je me demande ce que ça veut dire. Donc il y a quand même c'est-à-dire que il rêve de ses parents qui l'insultent parce qu'il a couché avec Guenièvre. Il y a quand même des scènes un peu de révélation dans ce goût-là. Il y en a quelques-unes, je vais en raconter une dans un instant, mais vous voyez que ça prend vraiment au second plan avec notamment cette espèce d'énorme vendetta qui traverse tout le roman. J'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai, que c'est comme si on avait réécrit tout le cycle avec le ton de la mort le roi Arthur. Donc on a vraiment ce cycle de ce climat de vengeance et puis d'échéance. Genre ce qu'on dit de Gauvin, c'est qu'il tue des chevaliers, non seulement il tue des chevaliers, mais apparemment il met fin à leur lignée, d'après la prophétie de la dame qui a porté l'épée. Un autre élément que j'aime bien dans cette série de visions et de révélations, c'est le moment où, alors plus tard, Perceval et Lancelot vont à un ermitage, je crois que c'est l'ermitage de l'Olivier aux feuilles rouges, dont je suis plus sûr que l'ermite c'est le cas là, il demande qu'est-ce que c'est la raison pourquoi il a des feuilles rouges, et puis il dit bon je sais pas, littéralement, c'est révélé plus tard. Par contre, ce que je trouve marrant à cet ermitage, c'est que Lancelot a un autre rêve, et là c'est Iseu en fait qui l'insulte et qui le tabasse parce qu'il a pêché avec Guenièvre, et je trouve ça très très drôle en fait, ironique que ce soit, il rêve que ce soit Iseu qui l'insulte, alors que bon c'est pas exactement comme si Iseu était très différente de Guenièvre dans ce respect là et en fait elle le blesse en fait, elle le frappe à la cuisse, et quand il se réveille en fait il a une blessure à la cuisse, et il y a seulement Perceval qui arrive à soigner en le touchant là à la cuisse. Ce Perceval est tellement pur qu'il lui au moins il arrive grâce à son nombril de vierge, à son nombril le nombril d'une vierge. Alors mais Lancelot c'est vraiment un peu le humiliation kanga, cette quête du Graal. C'est vrai, il arrête pas de se faire bodied par tout le monde. Ça a un peu fait penser par certains côtés au Père Lesvos, où il y a vraiment l'idée on a un peu ça aussi dans la Vulgate, mais là on a vraiment des admonestations qui sont un peu plus intenses, on va dire. Alors j'adore les résumés de la version anglaise, parce qu'à un moment on a le chapitre où Galad délivre Perceval à une damoiselle. Perceval refuse d'adouber un garçon inconnu qui plus tard est révélé être Arthur le moindre ou Arthur le mineur. Arthur le mineur c'est un fils illégitime d'Arthur en fait. Le chapitre d'après, Perceval et Gauvin défait par un chevalier inconnu qui est Arthur le mineur. Ouais. Je trouve ça très très drôle. Mais effectivement, on rencontre des personnages qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Arthur le mineur, Arthur de Lass en anglais, qui est ce fils illégitime d'Arthur. On rencontre Merogis, Mirogu, c'est pour les gays, notre old friend of the show. Old friend of the show qui d'ailleurs monte vraiment en grade dans cette version là parce qu'il finit par. Oui, il arrive, il random, il se balade, il est nommé à table ronde un peu par hasard, il arrive à. Il accède à la quête du Graal, il accède au Graal d'ailleurs, hein, il est un de ceux qui arrive au Graal. Et puis à la fin, finalement, il se balade, il est visiblement épargné par tous les conflits de la mort Arthur, puis il se balade et il tombe juste sur un groupe de chevaliers qui sont devenus ermites, puis il décide de se faire ermite à son tour, puis voilà, il arrive à la fin du roman comme ça. Alors Merogis par contre il a une origin story qui est intéressante dans ce cas là il est le fils illégitime du roi Marc dans cette version là ça je trouve très très drôle aussi, c'est vraiment mentionné en passant mais c'est très très drôle, c'est un genre de crossover un peu comme ça, il rattache souvent des personnages dont on sait qu'ils ont d'autres origines à des personnages existants. À propos de l'entremêlement, je peux peut-être revenir justement sur l'aventure de Galad. L'aventure de Galad, quand il a suivi le cerf, ça l'a amené à combattre Gauvin et Bohort, enfin, à croiser Gauvin et Bohort en tout cas, et puis il a une aventure avec une fille de roi qui pendant la nuit, qui tombe immédiatement amoureuse de lui et qui pendant la nuit veut aller s'allonger auprès de lui, puis donc elle le réveille, puis lui bien sûr on nous apprend que Galad d'ailleurs porte toujours une bure pendant la nuit parce que ben voilà il est saint donc il se mortifie même pendant la nuit, qu'est-ce qu'il est fort ce Galad. On apprend d'ailleurs aussi que Lancelot plus tard on apprend aussi que Lancelot le fait aussi, donc il y a une espèce d'idée de contrition chez Lancelot aussi. Mais donc il se réveille, la fille lui dit ça vous dirait pas qu'on, puis Galad dit non bien sûr que non, je dois rester vierge et pure pour le saint Graal, ben, voilà, la fille est désespérée, elle prend l'épée de Galad et elle se tue avec. Et du coup, tous les chevaliers se réveillent et ils disent « ça va de nouveau nous tomber dessus ». Et puis, bien sûr, tout le monde commence... Enfin, il y a une espèce d'imbroglio où ils croient que Galad ou quelqu'un d'autre a tué la fille du roi, mais finalement, ils sont innocentés et ils peuvent partir. Mais donc, on a l'idée de... Il y a des passages assez drôles où... Il y a Galad qui dit « on n'est pas venu ici pour finir en prison », puis du coup, ils décident de se battre contre la garde. Et finalement, Bohort réussit à obtenir leur libération en échange d'un duel. Donc il se bat contre le roi et il gagne, et le roi dit je suppose que vous avez pas tué ma fille, après tout elle a dû se tuer elle-même, ça arrive tout le temps. Et... problème régulier et du coup il passe à autre chose. Et je voulais juste faire une note que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans cette version là il y a beaucoup de lances qui restent plantées dans la poitrine, j'ai l'impression. Oui, il y a bien le motif de la lance qui transperce puis qui va tellement loin qu'on voit la voix de l'autre côté, on la voit de l'autre côté, ou alors elle reste plantée dans la poitrine et elle se casse, ça, c'est un peu la blessure courante. Il y en a qui préfèrent les gens qui tombent, qui se pètent le bras, là c'est un petit peu plus la marque de la lance cassée. Un élément que je trouve intéressant dans la caisse, c'est qu'on est déjà initié un peu à la différence entre le personnage. Voilà, on l'avait déjà vu un peu dans la suite Vulgate, mais la différence notamment entre Gaëriette et le reste de ses frères, parce qu'autant Gauvin est vraiment une personne assez méchante dans cette version-là, autant dans une rencontre, on voit par exemple Gauvin qui rencontre Mordred qui ne le reconnaît pas, alors il se bat, il est poursuivi en fait par Gaëriette. Gaëriette se bat avec Mordred parce que on nous révèle plus tard en fait il trouve que Mordred est vraiment très méchant, il a maltraité une damoiselle, il traînait une damoiselle derrière son cheval quand Gaëriette l'avait vu, et alors au final Gauvin et Gaëriette parviennent à s'entendre et puis Mordred est un peu entre deux comme ça, et ils sont hébergés par Tata Morgane qui passait par là et qui les héberge chez elle, où elle révèle notamment, elle leur montre les peintures que Lancelot a fait pendant son emprisonnement chez elle. Donc ça c'est un motif qu'on avait vu, était pas dans la suite Vulgate, mais dans la suite post-Vulgate du Merlin, mais qui était dans le Lancelot en propre. Lancelot propre, ce qui d'ailleurs est pas très cohérent parce que maintenant elle est méchante, alors comment on interprète ça, c'est pas si évident. Elle a un rôle assez ambigu, Morgane, hein, on le verra. Et dans ce cas, c'est elle qui vraiment leur dit de dire à Arthur que Lancelot et Guenièvre couchent ensemble. Et d'ailleurs, Gauvin et Gaëriette refusent encore. Alors que Mordred, est d'accord, même s'il va pas le faire tout de suite. Et juste après ça, on renforce vraiment le côté négatif de Mordred, qui se rencontre un chevalier qui se balade avec son frère, qui est son écuyer, et sa sœur, qui est une dame. Et alors, il tue l'écuyer, il blesse gravement le chevalier, et il s'apprête à violer la damoiselle quand arrive le roi Baudemagu, qui lui demande de s'arrêter. Et pour répondre à la provocation, Mordred décapite la femme qui s'apprêtait à violer, et du coup Baudemagu lui tombe dessus, le blesse gravement et le laisse pour mort. Et Yvain et Gauvin arrivent, alors Yvain amène Mordred à une abbaye pour le faire se rétablir, et Gauvin est absolument furieux, il veut le venger auprès de Baudemagu, et il blesse Baudemagu à mort avant de le reconnaître, et c'est ça qui tue Baudemagu en fait. Leur deuxième combat après leur combat contre sur la mort, disons, du neveu de Baudemagu. Donc là, c'est vraiment un événement un peu... où Gauvin est presque en tort par association, en fait. Il est associé au crime de Mordred un peu malgré lui. Et d'ailleurs, il se fait battre... il se fait battre par... enfin, presque battre par Merogis, qui se trouvait là et qui veut venger Baudemagu et qui challenge Gauvin. Et en fait, il est en train de perdre la bataille au moment où Erek arrive et révèle qui est qui, en fait. Erek, d'ailleurs, qui est, dans cette version-là, après avoir perdu sa sœur, comme on l'avait vu prophétiser dans la suite du roman de Merlin, on lui annonce qu'il va tuer sa propre sœur, et effectivement, il tue sa propre sœur parce qu'une damoiselle lui demande cette faveur avant de lui demander, avant de lui dire quelle sera la faveur, et lui fait promettre de tuer sa sœur, et du coup, bah, il se sent obligé. Et il se fait d'ailleurs gronder par Merogis après, parce que Merogis trouve que c'est absurde de vraiment... De respecter des serments aussi débiles et des promesses stupides comme ça. Le don contraignant, jusque-là, on a vu, c'était un motif un peu ambigu, parce que comme on a vu dans le Tristan en prose, généralement, c'est un mec qui vient, qui dit « Ouais, j'aimerais vous demander une faveur que vous m'accordiez. Ok, j'aimerais kidnapper votre femme. Merde, encore !» Et du coup, on peut rien faire, et donc il faut lui courir après, le battre et la récupérer, et puis donc les gens sont vus nobles s'ils suivent, disons, leur parole, la parole donnée. Là, par contre, on a cette idée où Erek d'abord tue d'ailleurs tous ses cousins qui avaient tué leur propre père, puis la dame exige la mort de la sœur, et puis Erek est vraiment affecté par ça. Donc, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est déchiré, puis il se dit « je ne peux pas échapper à ma parole », il la tue, c'est horrible, il pleure. Bon. Et d'ailleurs, la dame lui fait remarquer « mais vous êtes bête d'avoir tué votre sœur pour une promesse à quelqu'un que vous ne connaissiez pas, et puis vous ne saviez même pas pourquoi je vous l'ai demandé. » Effectivement, Merovis va être fâché avec Erek pour ce fait, et finalement Erek va s'attirer l'ennemité de Dagravin et Gauvin, et c'est Gauvin qui va tuer Erek en ne le reconnaissant pas, en fait. De nouveau, parce qu'il a tué Yvain au Blanchemain, en fait. Il tue Yvain au Blanchemain, et finalement, c'est ça qui va provoquer la colère de Gauvin, qui va le retrouver et le tuer. Et Erek demande à Hector et Merogis, qui se baladaient par là, qui l'ont retrouvé, de l'amener à la cour d'Arthur et de mettre son corps sur son siège à la table ronde pour annoncer sa mort au roi, en fait. C'est vraiment très... C'est un autre moment assez sinistre où ils amènent son corps et ils le font s'asseoir sur son siège, puis après, ils l'enlèvent du siège, parce que, bah, finalement, le siège n'est plus à son nom, quoi, après sa mort. Mais là, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que le nom disparaisse après seulement que le corps ait été amené sur la tombe. Sur la chaise, pardon. Mais donc, c'est assez sinistre. Il faut voir que pendant tout ce temps, il y a aussi justement la sœur d'Yvain de Senel qui amène des nouvelles de Gauvin à la table ronde et qui dit par exemple à Arthur, Gauvin est en train de trucider des gens. Et Arthur dit qu'il maudit le jour où Gauvin est né, qu'il maudit son lignage, qu'il déshonore toute sa maisonnée et qu'il souhaite que Gauvin n'ait jamais fait partie de sa maisonnée. Donc, assez des mots assez durs de la part d'Arthur sur ça. Je reviens sur le passage qui, à mon avis, est le plus quête du Graal original dans la version post-Vulgate. C'est les visions que Hélin a dans une chapelle. Il est avec Hector et Gauvin, et ils parlent de Palamède, et puis ils arrivent dans l'enceinte de la chapelle, on leur laisse poser leurs chevaux, ils les laissent paître à côté. Ils sont dans la chapelle, ils se posent, ils dorment un peu. Hélin est un peu blessé, il était blessé à ce moment-là, il pense ses blessures, et il n'y a personne. Donc ils se disent, bon, on ne peut pas entrer directement parce qu'il y a une grille qui nous empêche d'accéder à l'intérieur, disons, à l'espace saint, mais on va rester un peu dans le vestibule pour se reposer. Donc je vous lis la scène où ils ont des visions. À la nuit tombée, les deux compagnons fatigués de la route étaient plongés dans le sommeil, mais l'un ne dormait pas, car très sérieusement atteint, il souffrait à cause de ses blessures. Et lors du premier sommeil, il advint que la chapelle tout entière se mit à trembler, avec une telle force qu'elle semblait être sur le point de s'écrouler. L'on entendit alors un grand bruit, comme celui du tonnerre, si bien qu'Hélin, qui ne dormait pas, en fut tout étourdi. Après cela survint une lumière, et l'on entendit des voix en chœur qui disaient « Joie, honneur et grâce soient rendues au Seigneur des cieux ». Alors la chapelle fut embaumée par tant de bonnes odeurs que nul n'aurait su les dénombrer. Les voix reprirent ces paroles maintes fois, et Hélin se demandait tout émerveillé ce que cela pouvait être. Sur ces entrefaites, quatre hommes apparurent avec la semblance des anges. Ils étaient si beaux que c'était merveille à voir. Ils s'approchèrent de la dalle gravée du tombeau, donc qui est au fond de la salle, pour la soulever, de la hauteur d'une lance, la tenant ainsi ensuite bien haute pendant un assez long moment. Après cela, un homme ayant l'apparence d'un évêque descendit sur l'autel. Il se tenait sur un trône très riche. Il descendit ensuite de l'autel et dit d'une voix qu'Hélin put entendre « Tu es bénie, femme, car tu recevras le pain de chaque jour. » Et il tenait dans ses mains une hostie. Et à ces mots, une femme sortit du tombeau dont on avait soulevé la dalle. Elle était toute nue et vieille, recouverte de sa seule chevelure, si longue qu'elle touchait le sol, et blanche comme neige. La femme se mit à genoux devant celui qui paraissait être l'évêque en disant « Monseigneur, veuillez me donner de quoi subsister. » Aussitôt, il se penche vers elle pour lui donner l'hostie en lui disant « Voici ton sauveur. » Elle baise ensuite le pied de l'évêque et elle regagne son tombeau. On remet la dalle, laquelle était très bien assemblée au tombeau, à tel point qu'on n'aurait jamais dit qu'elle avait été retirée. Puis les voix disparaissent et l'homme, à semblance d'évêque, repartit et la clarté avec lui et la chapelle devint aussi sombre qu'auparavant. Et là, Hélène et Hector réalisent que leurs blessures ont été guéries, en fait. Donc on a une vision assez semblable à celle du combat entre Hector et Perceval, où il y a le Graal qui descend pour les guérir parce qu'ils sont à moitié entretués. Mais là, justement, une espèce de scène eucharistique miraculeuse qui leur apparaît. Donc ça, c'est une scène originale, mais qui aurait parfaitement sa place dans la quête originale. Ouais. On est arrivé donc au moment, un peu le point médian, j'ai l'impression, de la quête, en fait, le moment où le corps d'Erek est amené à la table ronde. Donc on va peut-être faire une petite pause musicale ici, vu qu'on est, on est déjà bien avancé. On va vous revenir pour vous relater la fin des aventures. Et on va écouter... qu'est-ce que tu veux nous faire écouter, Laïs? Eh bien, pour prouver à tout le monde que nous sommes bien blancs, nous allons pouvoir écouter How Far We've Come de Matchbox 20. Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou, c'est moi, dissèque un élément d'un jeu vidéo, un signe vidéoludique, et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, le score dans le premier Megaman, le choix dans The Stanley Parable, la difficulté à rebours dans Braid. Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa. Alors c'était How Far We've Come de Matchbox 20, et on était resté un peu un moment de pause dans le récit. On est à la table ronde, Erek, le corps d'Erek vient d'être amené à Arthur, et on va un peu faire un renouvellement d'une partie des sièges des chevaliers de la table ronde. On va apprendre l'origine de personnages qui ont été introduits entre-temps, donc notamment Arthur le petit, Arthur le jeune, Arthur le moindre, si vous voulez parler en termes... Arthur le mineur, si vous parlez en termes bibliques, qui est en fait le fils, effectivement, d'Arthur. En fait, c'est une histoire un peu sinistre. Le jour même où, juste un peu après que la reine Guenièvre ait découvert que Lancelot avait couché avec la femme, avec la mère de Galad, en fait, avec Hélène, la fille du roi Pélès, Arthur était en forêt et il rencontre une belle jeune fille. Elle la séduit et il la séduit, mais il la viole aussi. On nous dit effectivement que elle essaie de résister, elle se débat et elle pleure, mais le roi fait ce qu'il veut, il prend son plaisir et juste là, il y a un chevalier qui arrive et qui est le père de la damoiselle et il se bat en fait contre Arthur, mais il se demande si c'est peut-être pas le roi en fait. Et en fait, il lui explique que effectivement, il est le roi Arthur. Et le père de la jeune fille dit « Ah non, je suis un peu triste. Si c'était qui que ce soit d'autre, je vengerais mon déshonneur. Mais ce serait un traître si je vous tuais. » Et donc, du coup, il décide de faire pénitence, Arthur, pour ses... Alors, de faire pénitence, bon, sa solution pour faire pénitence, c'est de marier la jeune fille à un chevalier important de sa maison. Donc, ouais. C'est un peu pratique, quoi, vous comprenez ? Il explique que ça sera pas possible parce que vu qu'il a tout le monde saura que le roi Arthur a couché avec la fille puis qu'après il l'a marié avec quelqu'un d'autre, tout le monde saura que l'enfant n'est pas un enfant légitime, donc que ça ne marchera pas. Il décidera d'attendre de voir si elle est effectivement enceinte. Et puis on a demandé au roi vu qu'elle était effectivement enceinte, comment l'enfant devait être nommé. Et il dit, bon, si c'est une fille, ce sera Guenièvre, ce que je trouve extrêmement malsain déjà. Et si c'est un garçon, Arthur le moindre, ou Arthur le mineur, en souvenir de moi, qui est un Arthur de, quand même, de puissance incroyable. Et après moi, n'importe quel Arthur ne sera finalement qu'un Arthur le mineur. Nommé Arthur le mineur. Donc il est nommé effectivement Arthur le mineur. Ce Arthur le mineur, il va avoir des frais de psychanalyse assez élevés quand il atteindra l'âge adulte. Mais disons, quand il arrive à la cour pour être justement adoubé chevalier, Arthur l'accepte. Il accède à la table ronde et Arthur lui apprend qu'il est son père, mais il dit je peux pas vraiment le dire en public parce que voilà, ce serait un peu disgracieux, mais je veux que tu saches que je suis ton père. Et puis du coup Arthur le petit est content quand même d'être dans la confidence d'Arthur pour ça. Il a quand même une histoire assez sinistre parce que après qu'il soit né, son frère, le frère de la damoiselle donc, qui était sa mère, donc le fils du chevalier qui a menacé Arthur, il a une femme magnifique et le père en fait de la damoiselle et du chevalier décide de coucher avec la femme de son fils. Mmh. Et donc il décapite son fils et puis après la mère d'Arthur le mineur dit non mais c'est un peu une honte ce que vous avez fait, et du coup son père la décapite aussi. Donc finalement il a l'air pas si prompt à défendre ses enfants que ça, ce père un peu sinistre. Et finalement il décide d'aller déposer le jeune garçon auprès d'un lac en fait, en se disant bon il sera mangé par des bêtes. Et c'est là que il y a une dame qui était là en fait, qui était sa nourrice, qui l'a trouvé, et c'est Tristan un jour en passant par là qui l'a fait chevalier en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'Arthur le moindre arrive à la cour. Et c'est un thème assez intéressant, je trouve, le fils d'Arthur. Le récit ne s'apesantit pas beaucoup là-dessus, mais finalement c'est quand même une marque assez intéressante, d'autant qu'Arthur le moindre finalement va être un de ceux qui atteignent le Graal en fait. Pourtant on ne dit pas grand chose sur lui, il n'est pas un sujet très intéressant visiblement. Moi je trouve assez intéressant en tout cas personnellement. Et on nous révèle aussi l'histoire d'un autre chevalier, l'histoire de Mérogis, qui est le fils du roi Marc, et de la nièce d'un certain Claudin en fait, qui est un autre chevalier. Et finalement, c'est une histoire vraiment très sinistre. Le roi Marc a tué la femme avec qui il a eu Mérogis. Donc, c'est un peu comme pour souligner que, oui, Marc, c'est vraiment un salaud, mais Mérogis, lui, n'est pas le fils de son père, quoi, ouais. De certaine façon. Donc, en fait, effectivement, il a essayé de le pendre, même, le jeune enfant. Donc, c'est vraiment... on peut aussi voir le contraste entre Arthur qui finalement lui bah il s'en, même s'il a eu un enfant illégitime, c'est pas sa faute si l'enfant a eu une enfance troublée, alors que Merogis, le roi Marc, lui s'est comporté comme un salaud quoi. Donc c'est un parallèle assez intéressant, je trouve, surtout que ça arrive là au milieu du récit et que ça introduit ce parallèle entre bah, le comportement d'Arthur et le comportement de Lancelot, finalement, que Nièvre se fait découcher des deux côtés de son lit en fait. C'est vraiment très puis vraiment la description du viol aussi de la demoiselle par Arthur est vraiment assez non, Arthur s'en sort pas forcément bien là-dedans. On a dit que c'était recentré sur Arthur, mais c'était pas forcément positivement non plus. Il a ce côté un peu arrogant, un peu brutal aussi. C'est pas pour autant effectivement qu'il en ressort avec un rôle aussi positif, même surtout vers la fin d'ailleurs. On remarque que finalement, même si ça reste centré sur Arthur, Lancelot a une espèce d'énergie kinétique assez forte qui le ramène comme héros au centre du récit à tout prix quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant, surtout une fois que Galad finalement est passé de l'autre côté. On disait que le Corbenic était un peu bizarre dans la relation qu'ils avaient, parce que la suite c'est justement une visite de Galad au château de Corbenic qui n'accomplit pas la quête d'ailleurs. Alors il le fait plus ou moins incognito d'ailleurs, hein. Il le fait un peu incognito, et il y a une scène que je trouve assez intéressante, c'est qu'il y a un magicien, un enchanteur qui se trouve là aussi et qui dit « Je suis un enchanteur, je suis originaire de Barbarie et d'autre naissance, puisque tu t'en doutes. J'ai été né païen, mais j'ai été converti par l'ermite Nacien. Et à peine baptisé, j'ai agi contre mon créateur plus que tout autre pêcheur, parce qu'en fait, c'est voué à un diable. Il lui a apparu un diable qui avait le nom d'Agron. » Alors, est-ce que c'est un philistin qui... Ah, c'est Dagon. C'est Dagon. Non, un diable qui avait le nom d'Agron, qui est un des plus hauts personnages de l'enfer. Il m'est apparu sous la figure d'un très riche et puissant, et je me suis voué à lui. Puis bon... Il me combla de la vertu des sortilèges dont un mortel ne peut avoir connaissance, mais à cause de l'arrivée de ce chevalier, donc Galad, le diable m'a abandonné, parce qu'il dit « je le vois partout, genre je peux pas manger ou dormir sans le voir, le diable m'accompagne partout ». Mais là, il a disparu parce que ce bonhomme-là est un homme si saint et si aimé de Dieu qu'il ne cesse d'être environné par des anges qui le guident. Voilà pourquoi j'ai perdu tous les sortilèges que je possédais. Donc je vous ai parlé avant de cette dialectique cette dynamique entre... entre le merveilleux qui est divin et puis le merveilleux magique. Ben là on a un enchanteur qui est vraiment mis en échec par Galad, et donc il y a le roi Pélès qui dit, d'ailleurs c'est assez marrant, il dit: Galad, est-ce que vous pouvez partir 5 minutes, comme ça on va pas, parce qu'il dit qu'il a plus de pouvoir et on a bien envie de voir ses pouvoirs, alors est-ce que vous pouvez vous en aller juste pour que sa magie marche de nouveau. Et quand il le fait, en fait il se met à brûler comme s'il était en bois sec, et il est élevé dans les airs si haut qu'il semblait se trouver parmi les nuages, tandis que les diables l'emportaient dans les airs, et il se met à pousser des cris, et il dit: hélas, Galad, bon chevalier et serviteur de Jésus-Christ, priez Dieu pour moi, je pourrais trouver encore grâce à ses yeux si tu priais pour moi. Et donc, le côté Simon Magus, donc il est emporté par les diables dans les airs et détruit. Et tout le monde se dit, waouh, tous font le signe de la croix, parce que c'est quand même une sacrée grande merveille. Et je trouve cette scène quand même assez intéressante. Mais aussi que Galad soit là, et puis qu'en fait, bon, la quête, c'est pas si... Ouais, c'est vraiment assez curieux. Peut-être qu'on peut penser que c'est seulement une fois que le Graal doit vraiment être révélé qu'il arrivera. C'est aussi un des moments où on voit le plus d'extraits un peu du point de vue de Tristan, puisqu'il est accompagné par Tristan, en fait, quand il s'apprête à aller vers... partir à l'aventure depuis Camelot, après la petite parenthèse Merogis et Arthur le mineur. Et notamment, il y a c'est là qu'ils entendent par exemple la confession d'amour de Palamède pour Iseut. Énerve un peu Tristan, logiquement. Oui, effectivement, il y a des aventures de Palamède et Tristan. Et c'est après, en fait, être parti de Corbenic que Galad va tomber sur la sœur de Perceval, qui va l'aider à guérir plusieurs personnes. Et ensemble, ils vont rejoindre Perceval et Bort sur leur barque. On les avait laissés dans une nef, qui est cette nef de Salomon qu'on avait vue dans la Vulgate. Alors il y a le lit de Salomon, l'épée aux étranges ranges, toutes ces aventures-là. Il se balade un peu dans la mer, il rencontre Caïphe, l'évêque de Jérusalem. L'évêque de Jérusalem. Les fameux évêques juifs. On avait déjà vu, mais ouais. On sent que la connaissance pointue que l'auteur de la post-vulgata du judaïsme du Second Temple, par exemple. Bon, mais techniquement, il est grand prêtre, non ? Les premiers chrétiens explicitement faisaient le parallèle entre le grand prêtre et l'évêque, les prêtres et les... Non, oui, c'est logique de l'appeler l'évêque des juifs, mais bon, c'est un peu... C'est une traduction assez littérale, mais c'est exactement... c'est effectivement extrêmement bizarre de voir l'évêque juif, quoi. Donc, Caïphe, qui est encore en vie, qui est en train de se balader depuis 200 ans sur une espèce de... qui a été pendant 200 ans perdu en mer, et qui... Et en fait, ils demandent s'ils peuvent l'embarquer avec eux. Et en fait, Galad... Il dit non, parce que si Dieu t'a laissé là, il devait y avoir une raison. Non, mais il dit explicitement, il fait le parallèle entre leur vaisseau qui représente l'Église Et Caïf bah, a dénoncé Dieu, donc il peut pas. Il a acquiescé la mort du Christ, donc il peut pas rentrer dans l'église. Ah, voilà. Voilà, donc il décide de se barrer et laisser Caïf sur son île. Je voudrais juste mentionner quelques aventures qu'il y a juste avant le truc de Caïf qui sont uniques à la post-Vulgate. Il y en a une, c'est où Galad doit soigner une dame dont le corps se délabre. Alors, dans certaines versions ibériques, c'est la lèpre, grâce à un morceau de sa bure, en fait. C'était annoncé oui, que c'est ça qui la guérirait. Oui, effectivement que ce sera avec sa bure ou sa. Moi, j'ai vraiment ça, plus que sa bure, c'est son cilice. Son cilice, ah, moi, apparemment, je crois que c'est sa bure. J'ai Herrshirt, donc ça. Ouais, bure, mais c'est plus que bure, non, la Herrshirt, c'est pas un peu la chemise en crin, ouais, c'est vrai. C'est une chemise de crin, ouais. Mais du coup, il y a 2-3 épisodes un peu de Galad, presque thaumaturge, où il va soigner les gens par sa présence, qui sont originaux à la post-vulgate, qu'on n'a même pas, je crois, pour cela dans le Tristan en prose. C'est juste après, en fait, qu'ils ont l'épisode du cerf blanc, en fait, après après ses aventures en bateau. Et notamment qu'ils ont effectivement l'aventure de la sœur de Perceval qui doit donner son sang pour soigner quelqu'un qui a la lèpre. Alors ici c'est pas c'est un homme je crois. Et en fait ils sont poursuivis par des chevaliers qui demandent une bassine de sang de la part de la sœur de Perceval. Et puis après vous êtes battu pour défendre la sœur de Perceval finalement dit non j'accepte. Elle se fait saigner et en fait elle va mourir, donc elle leur demande de mettre son corps dans une barque et de la faire dériver, puis elle leur dit j'attendrai sa race avant vous et vous me retrouverez là-bas et vous m'y enterrez. Et effectivement c'est ce qui va se passer plus tard. Alors le lépreux pour le coup est vraiment soigné et ils mettent la dame, donc la sœur de Perceval, dans une barque avec une lettre qui explique tout si jamais quelqu'un la retrouve, et ils quittent les lieux. Et c'est là en fait finalement qu'ils vont de nouveau se séparer. Est-ce qu'ils voient que le lieu est détruit par... Oui, je crois que le lieu où il se trouve est détruit par une tempête. Il y a une espèce d'orage de foudre qui fait exploser le château et ils se disent c'est quand même une sacrée merveille que ces pêcheurs aient été détruits. Alors ils se séparent, il y a Bord qui va poursuivre un chevalier blessé qui est poursuivi par un chevalier, un nain, alors que Perceval et Galad vont inspecter l'endroit de la tempête et le cimetière où ils trouvent des demoiselles enterrées. Puis après ils se séparent et c'est là en fait que Marc envahit Camelot. Ça, on nous en avait parlé dans la version castillane, je précise, la version castillane que j'ai, c'est juste après l'épisode de Caïf qu'on nous dit que Marc envahit Camelot. Alors, c'est pas. Narrativement, ça marche tout aussi bien. Mais... Alors, voilà, Marc, qui déteste Tristan, bien sûr, et qui déteste surtout Arthur pour avoir aidé Tristan, a appris que la plupart des chevaliers de Table Ronde sont en train de mourir à la quête, donc il décide, bon, c'est le bon moment, il appelle les Saxons. Et ils vont ensemble envahir l'ogre. Ils prennent la Joyeuse Garde par surprise. Vous vous souvenez que Tristan avait laissé Iseult là-bas dans le Tristan en prose. Ils ramènent Iseult à la maison et ils s'apprêtent à prendre Camelot quand en fait Galahad, suivi par Palamède et Arthur le Mineur, finalement parviennent à renverser une aventure entre temps. Hein. Ouais. Ils rencontrent d'abord une aventure où Siméon, le père de Moïse, donc pas le Moïse biblique, hein, le Moïse de l'histoire d'El Saint Graal, est tourmenté par des flammes depuis le temps de Joseph d'Arimathie, comme son fils aussi d'ailleurs. Hein. Ils ont plus ou moins des destins parallèles. Et justement, l'arrivée du bon chevalier mettra fin au tourment. Et effectivement, les femmes disparaissent à l'arrivée de Galad et Siméon explique l'histoire et il découvre le corps brûlé. Et c'est là, finalement, après avoir eu cette aventure-là avec Siméon, qu'ils arrivent à Camelot, où ils voient aussi que le roi Caradoc au court bras est en train d'aider Arthur. Et en fait, ils décident d'aller aider c'est très drôle, ils décident d'aller aider le roi Arthur. Et Palamède dit « Ah, je vais vous aider aussi !» Puis ils disent « Ouais, mais t'es pas chrétien. » »« T'es pas chrétien, tu peux pas nous aider. Dans ce cas, je vais aider l'autre camp. » Et exactement, il fait ça. Et en fait, finalement, ils décident d'aller aider Marc. Mais vu que le père de Palamède, Esclabor, qui lui est un chrétien, il s'est converti, est contre eux et que Marc... le met à terre, Palamède est un peu furieux, donc il décide de se tourner contre ses alliés temporaires et finalement il est sauvé par Galahad. Et Arthur le moindre est très impressionné par les prouesses de Palamède, et donc du coup il demande à Palamède de se faire baptiser et encore une fois Palamède renonce. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur la version du paganisme de Palamède et de sa famille, c'est-à-dire que son père a fini par se convertir, mais c'est assez intéressant parce que quand son père raconte l'histoire de sa famille, justement, qui a fini par être ses enfants qui ont fini par être massacrés par les forces issues de la bête aboyante, il dit que à l'époque il était païen. Puis basiquement Arthur disait ah c'est dommage que tu sois païen, j'aimerais mieux que tu sois chrétien. Et puis finalement il y a une dame païenne qui s'est présentée à la cour et puis ils se sont mariés les deux. Il s'est marié avec une dame païenne et du coup Arthur s'est dit bon bah si vous n'êtes pas chrétien, autant que vous vous mariez entre vous, parce que comme ça c'est bien, mais je préférerais que vous soyez chrétien quand même. Mais bon, sinon, voilà. Mais du coup, logiquement, ils ne peuvent pas se marier avec les autres parce qu'ils sont tous chrétiens. Et du coup, c'est après qu'il s'est converti et que Palamède va le faire aussi. Juste après donc, sa défaite, le roi Marc s'arrête pendant la nuit à une abbaye où dort Palamède et avec un autre chevalier de ses amis qui s'appelle Pharam le Noir. Il reconnaît le bouclier de Galad. En fait, Galad avait acquis son bouclier au début de la quête dans des circonstances un peu particulières. Et Marc le reconnaît, en fait, et il décide d'empoisonner les deux. Et alors, Pharam le Noir meurt, mais Galad, parce qu'il a été averti dans un rêve, est miraculeusement sauvé et il force Marc, en fait, à avouer sa traîtrise. Donc Marc, de nouveau, n'a pas un grand track record de succès hein, dans la post-vulgate comme dans le Tristan en prose. Alors, il y a toute une aventure où Galad trouve Samaliel qui est un écuyer, qui est le fils de Frol d'Allemagne. Mm-hmm. Et ils vont rencontrer Gaëret, Agravin et Mordred. Et Galad refuse de se battre contre eux. Et du coup, Samaliel, qui avait prêté serment de l'aider, dit « Non, mais vous n'êtes pas honte de ne pas vous battre contre ces chevaliers. » Et décide de l'abandonner. Et en fait, ils vont trouver un autre château et il y a quatre chevaliers qui les mettent au défi et là Galad essaie de dissuader celui qui doit le mettre au défi de se battre et du coup tout le monde pense que Galad est vraiment un couard, alors ce qui est assez drôle quand même parce qu'ils doivent tous se connaître d'ici là et puis il est censé le meilleur chevalier du monde mais non il se refuse de se battre donc c'est un couard. Il continue de se moquer de lui d'ailleurs, ouais. Et là alors c'est assez curieux, ils vont vers le royaume des Terres étranges où se trouve le roi blessé. Et là, j'ai pas bien compris cet événement. J'ai l'impression qu'ils sont en direction de ce royaume et qu'ils ne l'atteignent pas, quoi. Et là, ils rencontrent Gauvin, Queux et Brandelis, qui leur disent à quel point Galad est mauvais. Galad est vraiment... est nul, ouais. Est un chevalier nul. Et du coup, quand ils trouvent Galad... parce que Galad s'est séparé d'eux, hein, entre-temps. Et du coup, quand il tombe sur Galad, que le défi Galad est battu, et Brandelis, Mordred, Agravin et Gauvin aussi, et du coup, ils se disent « Ah, mais ça, c'est bien Galad !» Et donc, du coup, ils lui demandent pardon. Il y a tout un passage, en fait, ce qui se passe, c'est que Galad, il a son écu et tout, et il voit qu'il est tellement nul et qu'il refuse de se battre, et ils se disent « Ouais, mais c'est Galad, c'est pas le meilleur chevalier du monde !» Puis il dit « Mais non, plein de gens s'appellent Galad !» Genre, il y a quelqu'un qui dit littéralement « Il n'y a pas tout le monde qui porte... Il n'y a pas une seule personne qui porte un prénom !» Puis après, ils disent « Bon, alors ok, ça doit être un Galad... » Donc, ils raisonnent entre eux, puis ils finissent par se dire « Ça doit être un autre Galad qui est nul !» Puis après, ils disent « Mais il a le même bouclier !» Quoi ? Ce Galad nul ose porter le bouclier du Galad ! Et du coup, ils décident de se précipiter. En tout cas, dans la version castillane, c'est ça. Et c'est assez marrant. Et en fait, c'est ça le truc, c'est Galad, il a un côté très pacifique où il arrête pas de dire c'est absurde, je vais pas me battre contre des gens sans raison. Et du coup, Gauvin et ses frères. Un peu l'opposé de Gauvin en fait. Gauvin et ses frères, justement, ils disent mais c'est n'importe quoi, pourquoi il ferait ça D'ailleurs, c'est une nouveau illustré. Alors, par contre, Gauvin, parfois il refusait de se battre quand même. Là, après ces événements, il y a Hector, Démar et Mérogis qui forment un duo assez régulier, qui arrivent et qui demandent un duel à Gauvin pour venger la mort d'Erek. Et Gauvin dit alors je répondrai seulement à ce défi à la maison d'Arthur et puis mais si on le met au défi ici même il se battra et il se défendra et du coup finalement Galad, Hector et Merovis décident de partir plutôt ensemble pour aller chercher le royaume des Terres étranges, donc en fait pour aller accomplir la quête du Graal. En chemin, donc, Galad, Hector et Merogis arrivent au château Félon, le château de la traîtrise, en fait. Ils se doutent pas, ils se disent « Mes amis, nous allons dormir au château Félon !» Et ils s'attendent pas à ce qui se passe des entourloupes. C'est toujours les chevaliers, bon, des châteaux qui s'appellent « Le château de la mortelle embuscade !» ou « Le château dont nul ne revient vivant !» Puis ils sont là, je m'attendais pas à passer une si mauvaise nuit dans ce château. Et il y a une dame qui leur dit littéralement « Ouais, personne n'est jamais ressorti de ce château !» Puis, je sais pas s'ils leur disent « Personne n'y est jamais ressorti. » Voilà, exactement. Mais du coup, ils vont passer une nuit dans ce château et il se trouve que ce château héberge en fait des païens, des chevaliers païens qui sont très compétents mais qui détestent Arthur, si j'ai bien suivi le texte. Et alors, en entrant, les trois chevaliers sont piégés dans une cellule. Et là, une cellule, par malchance pour les habitants du château, j'imagine, il y a une tempête qui arrive, et du coup, la tour dans laquelle ils sont enfermés se fend en deux, et du coup, ils sont libérés, et ils décident de tuer tout le monde dans le château, sauf les... Il y a des demoiselles qui ont été emprisonnées là, qui libèrent, en fait. Mmh. Oui, mais c'est un massacre, quand même. Et du coup, là... Arthur, ouais. Qui a été... Il faut dire que leur libération avait été annoncée en songe, donc Galad avait un rêve prémonitoire où un ange lui annonce qu'ils allaient être libérés, et que quand la foudre fend la tour par le milieu, il n'est pas vraiment surpris, du coup. Alors Arthur, à qui on a parlé du château, décide d'aller d'y aller avec une armée puis de construire les tours là-bas. Et en fait, les tours qu'il essaie de construire n'arrêtent pas de s'effondrer. Et tout le monde, qui que ce soit, enfin, quiconque essaie de rester dormir dans à l'endroit meurt pendant la nuit. Donc, du coup, il décide de continuer, mais il a une voix qui lui dit non, on n'essaie pas encore. Tu ne pourras pas reconstruire ces tours. Le seul qui le pourra, c'est un roi nommé Charles, un moins bon chevalier, mais un meilleur chrétien que toi, qui les fera jamais tenir debout. Et le texte nous dit qu'effectivement, quand Charlemagne, éventuel à la fin, finira par conquérir l'Angleterre, il reconstruira ce château-là et y mettre une belle statue de Galahad qui restera pendant 200 ans. Je pense que ce passage est extrêmement intéressant parce que, en fait, le château, justement, Arthur veut repeupler le château, mais justement, Dieu, c'est pas la volonté de Dieu, en fait. Et du coup, il essaye de travailler au chantier une quinzaine de jours, une nuit, tout s'écroule, tout cela n'est rien, il recommence, ça s'effondre de nouveau, donc il s'oppose littéralement à la volonté de Dieu, quoi. Et donc c'est assez clair qu'il y a une espèce de refus de considérer les signes qu'ils sont en train d'aller contre la volonté de Dieu. Donc on avait vu Gauvin, justement, il voit l'épée en son volonté, il se dit c'est pas grave, je vais quand même participer à la quête. Arthur, il construit une tour qui continue à s'effondrer, ce qui à la base était littéralement le motif qui était associé à Vortigern, donc le mauvais roi qui précédait la parenthèse merveilleuse arthurienne. Mais maintenant c'est Arthur qui est dans cette position-là. Et donc la voix dit, je peux peut-être lire la traduction de la version castillane, il est couché dans son lit en train de réfléchir à cette tour, et puis une voix qui lui dit « Arthur, ne te mets plus en peine de dresser cette tour, il ne plaît pas à Dieu de l'avoir rebâtie par un homme aussi pécheur que toi. Jamais plus elle ne sera relevée ni par toi ni par qui que ce soit jusqu'à l'avènement d'un roi des Gaules qui aura nom Charles. C'est lui qui ramènera vers la foi de Jésus-Christ un peuple fort nombreux, faisant en cela mieux que toi. Certes, il n'aura pas ton honneur, ni ta puissance, ni ta prouesse, mais il sera meilleur chrétien et plus fidèle à la Sainte Église. Celui-là fera la conquête de tout le royaume de Londres, ainsi que de bien d'autres royaumes. Et là, c'est un peu plus intéressant comme headcanon. Ce roi, issu de la lignée du roi Ban, sera en toute chose semblable au chevalier de ce lignage. Donc c'est intéressant, bah, vu que c'est un chevalier du roi Ban. Bah, forcément, Charlemagne est français. Il est français, donc il vient de la lignée du roi Ban. Non, je trouve ça assez drôle, effectivement, cette espèce de petit passage un peu comme ça. Il y a des aventures ensuite. Charles, on me dit, mettra sur la tour une statue en l'honneur de Galahad, en fait. Ouais, qui durera pendant 200 ans, je crois. Mm-hmm. Puis elle sera ôtée par de mauvais Anglais qui plongèrent le royaume dans la misère par défaut de chevalerie. Alors, donc il y a des Anglais qui débarquent après Charlemagne. Peut-être des Vikings, en fait, mais voilà. Alors, ce qui arrive ensuite, c'est un peu bizarre. Lancelot, on dit qu'il a embarqué la barque sur laquelle se trouvait le corps de la sœur de Perceval. Vous vous souvenez qu'il s'était fait saigner pour soigner un lépreux. Alors, c'est très bizarre parce que... Ça devait être un voyage très agréable. On l'avait laissé au port d'une rivière, mais on n'avait pas mentionné la barque. Donc, c'est un peu... Ouais, bien sûr, il est monté sur la barque. Et il rencontre... alors que le bateau arrive près d'une chapelle, il rencontre son grand-père maternel, Galet Grantin, qui lui demande de rester vertueux. Et... qui lui nourrit, à force de rester sur le bateau tout seul avec le corps de la sœur de Perceval, Lancelot est nourri de la grâce du Saint-Esprit, et il finit par arriver près d'une forêt où il va rester plus ou moins fixe, et Galahad, à ce moment-là, part du château Felon, et en fait, va tomber sur le Tristan blessé, et Tristan apprend que Marc a renvoyé Iseult en Cornouailles, et les blessures de Tristan se rouvrent, et bien sûr, il reste en piteux état pendant des mois. Et Galahad, pendant ce temps, est amené par une voie vers la mer où il tombe sur la barque où ils avaient laissé la sœur de Perceval et dans lequel il trouve Lancelot, en fait. Et il reste sur le bateau, il monte sur le bateau avec et ils ont de nombreuses aventures ensemble. Et finalement, ils atterrissent. Là, au moment où ils sortent du bateau, il y a un chevalier blanc qui amène un cheval à Galahad et ils se séparent parce qu'ils pensent qu'ils vont plus se revoir. Alors, il y a toute une série d'aventures ensuite de Galahad, de Bort et Perceval, en fait. Les aventures du comte Bédouin, je crois, qui sont une dame qui a été spoliée par un comte. Et du coup, ils disent, on va régler le problème, on va l'attendre à la sortie du château, puis on le défonce. Et puis du coup, le comte se dit, mais ces chevaliers merveilleux qui font le siège devant mon château, ils vont me causer des problèmes. Et il commence à se dire, il y a peut-être un problème, parce qu'il se dit, c'est un piège. Genre, il y a trois chevaliers qui campent dans leur petite tente devant mon château, probablement qu'ils ont une armée avec eux ou que c'est un stratagème, et du coup il envoie un espion, puis l'espion leur cause et puis leur dit comment ça va, qu'est-ce que vous faites ici, puis ils disent, ah non c'est juste, puis vous avez des renforts ou quelque chose, non c'est juste nous trois, c'est juste nous, on va défoncer le comte Bédouin, et puis en fait ils arrivent pendant une sortie à s'emparer de lui et à rétablir la justice. Alors je vous souhaite quelques aventures de Samaliel, le fils de Samaliel Frollo, qui est clairement un archange gnostique déchu. C'est un crossover avec Supernatural, en fait. Donc Galahad lui avait promis de la doubler, il le fait pas, mais finalement Galahad la double. Et l'épisode que je trouve intéressant avec Samaliel, c'est que il était le fils du roi Frol qui avait, on se rappelle, été tué par Arthur. Et donc il arrive à un moment vers Arthur qui dort sous un arbre et il se dit je pourrais le tuer. Je pourrais venger mon père qui a été tué par Arthur. Mais en le voyant, il se dit, mais je peux pas faire ça, c'est un chevalier qui est trop honorable et trop bon et trop, trop vertueux, je peux pas juste détruire cet homme. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'épée d'Arthur et il met son épée à la place. Et quand Arthur se réveille, justement, il voit que son épée est plus la même et il dit, oh mais il est vachement noble, ce Samaliel, il aurait pu me tuer, il l'a pas fait, c'est vachement sympa de sa part. Oui, c'est ce côté un peu le motif régulier de j'ai trouvé un chevalier qui dort et je voudrais le tuer, mais finalement je vais pas le faire. Je laisse mon épée pour montrer que j'aurais pu le faire si j'avais envie, pour montrer à quel point je suis noble. Alors il y a toute une histoire, en fait il explique pourquoi il aime pas beaucoup le chevalier d'Arthur, hein, l'histoire de la mort de son père, et on repasse sur le récit de Lancelot qui lui est resté sur le bateau avec la sœur de Perceval et qui finit par arriver à Corbenic. Alors c'est là qu'on nous explique en fait ce que tu nous as raconté plus tôt, hein, la façon dont le château était enchanté pour qu'on tombe dessus seulement par hasard, et vraiment pas par effort. Et on nous explique effectivement le fait que quand Charlemagne détruira finalement Corbenic, l'enchantement sera brisé. Et en entrant dans le château, Lancelot entre dans la chambre du Saint Graal. Ah, il a réussi. Ah bah non, ça marche pas pour lui. Il tombe inconscient immédiatement et reste dans les vapes pendant 25 jours. Alors, 3 jours après être réveillé, alors qu'il est à table avec le roi Pélès, donc alors non, il peut pas accomplir la quête, mais il peut rester hébergé à Corbenic sans problème. Les pieds sous la table. Il y a les portes qui se ferment, toutes les portes de la salle se ferment et après c'est secoué. Et en fait, Pélès explique que c'est le signe que Dieu envoie quand il y a un chevalier non confessé qui arrive sur la quête. Et là, c'est en l'occurrence Hector Démare qui on le laisse pas rentrer. Et Gauvin et Gaëret arrivent aussi, puis on le laisse pas rentrer non plus. Finalement, en repartant, Galériette. J'aime bien ce système d'alarme où il y a les fenêtres et les portes, tout le château qui se mettent à claquer. Tu peux pas rentrer. Par contre, Lancelot, il peut rentrer suffisamment loin pour être invité à dîner, en tout cas. Bah, il est pas si mauvais que les frères de Gauvin. Ouais, d'accord, mais Hector Démare, son frère. Hector Démare, Il est pas confessé, donc c'est peut-être juste pour ça, là. Ouais. C'est juste quelqu'un qui est extrêmement obsédé par les réformes grégoriennes et qui veut absolument que tous les chevaliers se confessent, peu importe. Il y a un espèce de relief où on voit que Lancelot ressent quand même de la culpabilité, peut-être à force que le monde entier lui dise de se sentir coupable. Ah, bah, c'est assez clair, hein. Son propre grand-père maternel lui a dit. Il y a toute une histoire vraiment assez. Mais parce que justement, quand il le retrouve et qu'il a été frappé par le Graal, la seule personne qui reconnaît Lancelot, c'est Hélène, logiquement, parce qu'elle est amoureuse de lui. Et on le déshabille, et là, on nous dit. Le roi ordonna de le porter dans une chambre, on le dévêtit, et sachez qu'on s'aperçut alors qu'il portait une bure, ce dont tous furent très surpris, connaissant la vie de plaisir que menait Lancelot, il ne parvenait pas à croire qu'il pût porter sur lui une bure, donc une chemise de crin, et on le met dans une chambre loin de l'agitation des gens. Donc là, il y a cette espèce de double versant de Lancelot, où on voit qu'il n'est pas parfait, il est pécheur, etc., mais il essaye quand même de s'amender, de faire pénitence, et d'être une meilleure personne, et puis justement là... Les gens sont surpris de se dire, mais Lancelot, cette espèce de lover, on s'attendait pas à ça, mais il a quelque chose de Galahad en lui déjà. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, après toutes ces aventures où Gauvin, Galahad et Hector n'ont pas pu rentrer, puis Lancelot leur a fait dire, bah voilà, vous pouvez pas rentrer. Vous pouvez pas. Et finalement, il ressort aussi parce qu'il peut pas quand même, lui non plus, il peut pas accéder au Graal. Donc en fait, ils repartent ensemble. Ils sont séparés de Gauvin, mais Lancelot et Galahad et Hector voient la bête de la caisse, donc la bête grossissante, et ils rencontrent Palamède, et Palamède est bas en fait et blesse Galahad et Hector. Il fait plus ou moins égalité avec Lancelot et il part, il rattrape Gauvin qui suit aussi la bête et il parvient à le mettre à terre. Palamède est un meilleur chevalier que la plupart des chevaliers, hein, dans cette version là. Il y avait une liste avant, ils nous disaient explicitement qui étaient les meilleurs chevaliers et régulièrement Galahad c'est un de ceux qui reviennent assez haut. Galahad c'est un de ceux qui reste assez haut. Dans la pratique effectivement, Palamède c'est un de ceux qui a le meilleur track record, hein, ouais, c'est ça. À part se faire battre. Ben comme tu disais, il reste quand même un peu comme dans le Tristan en prose d'ailleurs, cette notion que finalement il y a pas de chevaliers qui sont absolument toujours meilleurs que les autres. On nous essaie de dire ah oui bon, il y a des chevaliers qui sont plus nobles, de meilleure âme, Perceval, Bort et Galahad, dans une bonne mesure Lancelot, sont ceux qui sont le plus correspondants à ça. Merogis c'est toujours un bon chevalier aussi par exemple, ouais. Et d'ailleurs ça se voit, les chevaliers qui arrivent à accomplir la quête du Graal qu'on nous liste sont quand même parmi les plus nobles. Je crois qu'il y a un moment, il y a une espèce de top 6 où on nous dit que genre Gauvin est genre le 7e ou 8e chevalier, puis donc avant on a Lancelot, Palamède, voilà, Galahad, Tristan. Ces considérations là sont quand même en termes de compétences, un chevalier qui, c'est pas parce qu'un chevalier bat un chevalier à un moment donné qu'il va pas se faire battre par ce chevalier là comme dans le Tristan en prose, ça, hein. Du coup Galahad trouve Gauvin qui dit que Palamède l'a mis à terre et a tué Lionel, ce qui est pas vrai, et Galahad du coup met Palamède au défi. Palamède qui est blessé à force de cette battue contre tout le monde, on demande 20 jours de répit, et il va trouver son père et lui promet que si il sort du combat contre Galahad en vivant, comme tu l'as dit, avec de l'honneur, il sera baptisé. Et du coup, en allant rencontrer Galahad, il bat de nouveau Gauvin et il lui promet un combat ultérieur. Et c'est là que Galad défait Palamède, l'épargne sur la condition de son baptême. Ils vont visiter Esclabor, donc le père de Palamède, et c'est là que Palamède est baptisé et soigné instantanément de toutes ses blessures. Il est baptisé immédiatement, il a le boost paladin, toutes ses blessures sont guéries. C'est ça. Galad lui ordonne de se rendre à la table ronde pour qu'il devienne un chevalier en quête du Saint Graal. Et suivant les instructions de Galad, il a effectivement fait un chevalier de la table ronde. Et un an plus tard, il rejoint Galad. Ils se rendent alors sur une tour, la tour d'un géant. Ils se battent contre un géant qui se soigne. Alors c'est le chevalier de la fontaine, c'est-à-dire que quand il boit de l'eau de la fontaine, il est immédiatement restauré. Et le truc, c'est que Galad est au courant du mécanisme, mais Palamède continue à se battre. Puis à chaque fois, il est sur le point de gagner. Puis le chevalier dit juste une petite pause, monsieur, messieurs. Et du coup, il se barre 5 minutes et il revient complètement soigné. Et au bout d'un moment, Palamède se dit mais mon gaillard, ça va pas se passer comme ça. Et il réussit à le battre. Et il finit finalement par le battre, hein. Il le réussit, oui. Et il le force à libérer Gauvin, Gariette, Bioberis et Sagremor qui étaient emprisonnés là. Galad met un terme à l'aventure de la fontaine bouillante. Donc on avait vu que Lancelot l'avait rencontré, avait pas pu l'accomplir, celle où c'était Lancelot premier justement qui avait été tué non loin, et puis sa tête restait dedans à bouillir, je crois. Il réussit aussi à mettre fin à la merveille où la tombe de Moïse, donc comme celle de son père Siméon, est en train de brûler. Et il tombe sur la bête glatissante encore une fois, et c'est là qu'il rencontre Perceval et Palamède, et on ensemble aller tuer la bête. En fait, il la trouve dans un lac, et c'est bien Palamède qui la tue. Et en fait, dans son agonie, la bête relâche des flammes qui font bouillir tout le lac, qui devient dorénavant le lac de la bête. C'est assez intéressant parce qu'on avait dit que Perceval parviendrait à percer le mystère de la bête. Absolument pas. Il a aidé à la cerner et tout, mais il n'a pas vraiment aidé plus que ça, c'est pas la maître qui l'a fait, donc c'est un de ces cas où on se dit, ouais, bon, la continuité n'est pas si forte que ça. Alors c'est là qu'il y a un épisode intéressant, parce que pour toi, dans la version hispanique, enfin dans la version castillane, ouais. C'est là que Palamède meurt, en fait. Palamède meurt à ce moment-là, c'est-à-dire que Gauvin et Agravain le tuent à deux et le laissent mourir. Lancelot et Hector assistent à sa mort, et c'est des grandes lamentations, puis c'est une des grandes traîtrises de Gauvin et de ses frères. Mais pour toi, ça se passe après justement l'épisode de Corvinic. Oui, parce que dans la version portugaise, et donc qui est la version suivie par Bogdanov comme la version originale, disons, Galad, Perceval et Palamède, après avoir tué la bête de la caisse, c'est un peu le marqueur en fait. La bête annonce la victoire de la quête du Graal. C'est presque un peu ça la condition. On a presque l'impression que cette questing beast, cette bête de la quête, c'est un peu la bête qui symbolise la conquête du Graal. C'est la condition principale pour finalement. C'est le premier achievement à avoir. C'est la seule condition de victoire de la quête du Graal. Vous pouvez trouver Corbini tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas tué la bête avant, ça ne marchera pas. Et c'est effectivement sur ces entrefaites en fait, que les trois arrivent à Corbenic. Là, pour le coup, les portes s'ouvrent et ils rencontrent 9 autres chevaliers. Alors, parmi lesquels, donc, il y a Bord, qui est traditionnellement ce chevalier qui arrive avec eux, qui est l'un des principaux vainqueurs de la quête du Graal, en tout cas traditionnellement, dans la Vulgate. Et j'imagine que chez toi, c'est avec lui qu'ils arrivent, en fait, directement. Si je ne me trompe pas dans la version espagnole. Enfin, ce serait assez logique, c'est comme ça que ça se passe dans la Vulgate. Ils arrivent, ils séjournent à Corbenic, en tout cas. Je crois qu'ils arrivent. Non, ils arrivent les trois, il me semble. Mais avec Bort, avant, au lieu de Palamède. Parce que chez moi, ils habitent avec Palamède, du coup. Ah non, Galad, Perceval et Bort, ils se retrouvent à Corbenic, mais Palamède est déjà mort dans cette version, ouais. Ouais, justement, alors que chez moi, Perceval et Galad sont accompagnés par, justement, Palamède, qui peut participer à la quête, puisqu'il a effectivement été baptisé. Et là, ils arrivent dans une salle où ils rencontrent 9 autres chevaliers de la table ronde. Dans la Vulgate, c'était pas 9 autres chevaliers de la table ronde, c'était des chevaliers qui venaient de 3 pays différents. Ils venaient de Gaule, d'Irlande et de Danemark. Et c'est sous-entendu qu'ils sont venus aussi pour participer au festin du Graal, justement. Ce qui laisse penser que la quête du Graal, justement, il y a une côté un peu hors champ, genre il n'y avait pas que la table ronde qui participait. Oui, chaque pays avait envoyé dans le championnat une partie de ses chevaliers. Mmh. Et effectivement, ça fait 12 chevaliers, dont 3 de la table ronde, et puis... Donc il y a le chiffre 12 qui est peut-être un peu plus symbolique aussi. Bah, les 12 apôtres, quoi. Alors que là, dont les 9 autres chevaliers sont tous de la table ronde, on a Bord, bien sûr, qui est là parce que, vu que Palamède occupe sa place dans l'entrée, disons. Meliagan de Dinanarca, donc ça c'est le chevalier que Galad avait d'abord refusé, puis avait fait un chevalier au début de sa carrière d'aventurier. Et c'est là que c'est intéressant, la version portugaise, en tout cas, il nous précise ouais, je suis pas sûr de vous avoir parlé de Meliagan avant, alors qu'en fait, si. Il dit mais au cas où, ça se retrouve dans le roman du cri. Donc, ça se trouve assez intéressant. Hélin Leblanc est là aussi. Arthur le Mineur, mais Rogis de Port-Légué. On nous dit explicitement Rogis de Port-Légué, je suis pas sûr qu'on l'ait nommé avant. Claudin, fils de Claudas, qui est un bon chevalier. Lambéguez, un vieux chevalier très saint. Le 8e, c'est Pinabel de Lille. Et le 9e, c'est Persidos de Calas. Alors, les deux derniers, les trois derniers, je ne suis pas sûr qu'on sache beaucoup sur eux, mais les autres sont des chevaliers. C'est assez intéressant. Il y a ce thème d'Arthur, Béroguis, Claudin, la deuxième génération, qui est un peu meilleure que les autres. Quoi. Il y a une espèce de côté rédemption. Bah, qu'on avait déjà le thème chez Galad et Lancelot, la rédemption du père par le fils. Quoi. Perceval, d'une certaine façon aussi. Oui, une seule exception, c'est vraiment Bort, justement, et puis ce fameux Lambégues dont on dit qu'il est vieux. Donc, c'est un peu l'équivalent de Bort, en fait, le chevalier de la génération précédente. Mais c'est très intéressant. Meilleur de sa génération, quoi. On est vraiment cette espèce de division entre une espèce de temps des pères, le temps des. On a même le temps des grands-pères avec Uther Pendragon, le temps des pères avec Arthur et ses contemporains, le roi Lot et compagnie, et puis le temps des fils, où justement, c'est une génération suivante qui est beaucoup plus sainte, beaucoup plus pieuse, beaucoup plus... À l'exception de Gauvin et ses frères. Morale, à l'exception de Gauvin et ses frères. Et c'est quelque chose qui va être systématisé par la suite avec des choses comme Isaïe le Triste, qui est une espèce de suite au Tristan en prose, où là, on est vraiment la génération d'après, et donc on a le fils de Tristan et Iseux, et... non, le petit-fils de Tristan et Iseux, si je dis pas de bêtises. Et, par exemple, des choses comme Guiron le Courtois, qui, par contre, sont centrées sur les pères du temps de Uther Pendragon. Alors, parmi les 12 chevaliers qui arrivent, alors c'est seulement Galahad qui voit le Graal en personne. Hein. Les 12 sont exposés, mais c'est vraiment seulement Galahad qui va pouvoir rentrer dans la salle, qui va pouvoir soigner le roi Péléan, donc le roi blessé. Le Graal uncut. Alors, c'est possible que... C'est sans doute le même roi que Pélès, hein, c'est assez clair. Mais Péléan, parfois hésite entre Péléan et Pélès. En fait, il est soigné avec le sang qui goutte de la lance, de la sainte lance, en fait. En tout cas, dans la version portugaise, je sais pas si c'est pareil dans la version. Oui. Et puis la lance, après, elle repart au ciel, alors que le Graal va pouvoir aller en Saras. Voilà, donc le roi est soigné par Galahad, et effectivement, il y a ce côté un peu thaumaturge, justement, qu'on avait déjà vu expédier. Et on nous dit explicitement que c'est le coup douloureux qui est en train d'être soigné, qui a été frappé par le chevalier aux deux épées, donc reliant effectivement la suite du roman de Merlin avec cette suite. Cette conclusion post-vulgate, en fait, de la quête et de la mort Arthur plus tard. Donc, le roi Péléon est effectivement soigné, parce que il faut dire que jusque-là, les blessures étaient aussi fraîches que le jour où elles avaient été frappées. Donc, vraiment, hein, cette blessure perpétuelle. Et en fait, il voit Galahad verse le bassin qui récolte le sang qui coule de la lance. Et en fait, il y a juste trois gouttes. Alors il verse le bassin comme ça, il y a des trois gouttes qui tombent sur les blessures et le bassin immédiatement est emporté au ciel, aspiré au ciel, ainsi que la lance de la vengeance, comme il l'appelle, donc la sainte lance. Et du coup le roi est immédiatement soigné, il peut se tenir debout, il va embrasser Galahad et il va lui dire même qu'il est le nouvel arbre de Jésus-Christ, qu'il a rempli avec tous les bons fruits que l'homme peut avoir. Donc un peu il y a ce parallèle aussi non seulement avec Jésus mais aussi l'arbre de la connaissance, en fait. C'est un peu ça va un peu plus loin que simplement on avait beaucoup dit c'est vraiment très encadré avec la guérison du coup douloureux, mais il y a aussi la notion que c'est un nouveau départ pour l'humanité quand même. Même si c'est un peu vu le contexte. Ça va pas durer super longtemps. Ça va pas durer super longtemps, mais c'est quand même ce que dit Péléan ou le roi pêcheur en tout cas à Galahad. Il prie et du coup il va lui devenir un ermite, en fait il va se retirer et devenir un ermite, et en fait ils vont tous être nourris, lui Galahad et les autres chevaliers, par le Graal. Et là tout le monde à ce moment là va le voir, tous les 12 chevaliers vont le voir effectivement là et vont être nourris, en fait. Et ils vont voir au-dessus de la table d'argent où est tenu le Graal un homme en robe blanche dont on ne peut pas voir le visage. Et ils vont être nourris et remplis de la nourriture céleste. Et l'homme brillant va donner directement à Galahad le hostie. Il va le faire à tout le monde. Mais tous pensent que l'homme est en train de mettre un homme vivant dans leur bouche. Voilà, ils ont une vision du corps du Christ, de la transsubstantiation en direct. Voilà, exactement, c'est vraiment la réforme grégorienne faite verbe, plus ou moins. Donc, vraiment, il y a une emphase effectivement assez forte sur cette expérience spirituelle, et ils vont rester en prière devant la table jusqu'à minuit, extrêmement joyeux, et une voix va leur dire de sortir du château et d'aller chacun faire le bien où ils peuvent le faire, et qu'à la fin, tous seront bien récompensés. Donc les 9 se séparent des 3. Voilà. Les 3 vont monter dans une nef, parce qu'une voix leur dit de le faire, et dit « Vous ne pouvez pas entrer ici si vous n'êtes pas d'une religion parfaite ». Ils montent dedans, le vent gonfle les voiles de la nef, ils ont le Graal qui avait été sorti dans une, ils ont le Graal qui vient avec eux. Au pied du lit se trouvait la table d'argent qui avait été déposée dans le grand palais du roi Charlemagne. Donc apparemment Charlemagne a récupéré une des tables du Graal. Et le Saint Graal est couvert d'un voile de soie, un voile de soie posé sur la table avec un tissu de lin blanc. Et ils font leur prière à Jésus-Christ et le bateau les emmène on ne sait pas où. Puis du coup ils vont arriver à Sarras. Dans l'intervalle, c'est là qu'est relatée la mort de Palamède. Avant tout ça, en fait, même avant ça, dès qu'ils sont Galad, Perceval et Bor ensemble, Palamède rencontre Lancelot Hector, ils se battent, Lancelot et Palamède se battent, les deux sont vraiment blessés, mais ils arrivent à s'arrêter avant de se tuer, et c'est là que Palamède rencontre Gauvin et Agravain, et les deux le battent, et Gauvin le mord fatalement, et Lancelot et Hector reviennent, et restent avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Esclavor arrive sur ses entrefaites, ils emportent Palamède pour être tué, et c'est là qu'Esclavor en fait, se tue lui-même, se suicide sur la tour de son fils, et on utilise son sang pour faire une inscription sur la tombe de Palamède. C'est assez macabre, mais ouais. Ouais, il y a ce côté vraiment tragique, quoi, parce qu'il aura vu vraiment tous ses enfants mourir avant lui, quoi. Je crois qu'il remplit son sang dans un casque, et puis après on utilise le sang pour l'inscription après qu'il soit tué. Pour expliquer en fait toute la raison de sa mort, la tragédie et tout ça, et le roi Arthur qui l'apprend est vraiment très fâché contre Gauvin. Il demande même à Dieu de ne plus jamais amener Gauvin chez lui parce que il est terrifié par tous les bonnes personnes que Gauvin a tuées. Et c'est là qu'en fait on revient à toute l'histoire de Galad, Perceval et Bor, qui avant de partir se font expliquer quand même par Péléon l'origine de la source qui soigne où Palamède avait finalement battu le chevalier là, et il va aussi leur expliquer la bête en fait. Il va expliquer l'histoire d'origine de la bête, toute donc la bête de la quête. Une fille de roi qui avait été trompée par le diable et qui voulait coucher avec son frère et qui l'a perdue et puis elle s'est donnée au diable et puis à cause de ça elle a accouché de cette bête comme punition. Donc ça c'est une histoire qu'on trouve aussi pour expliquer par exemple, il y avait Erek qui avait un épisode où il se retrouve dans une espèce d'état de léthargie au bord d'une fontaine, genre il n'arrive plus à bouger, à se lever ou à faire quoi que ce soit, et on apprend que c'est aussi dû à une espèce d'histoire sordide d'inceste fraternel et inspiré par le démon qui avait abouti à la mort de tout le monde et à une espèce d'enchantement à cet endroit là Alors il leur demande, les chevaliers lui demandent d'expliquer des tas de trucs, mais il dit non, mais je ne sais pas plus parce que tant que j'étais dans la chambre du Graal je connaissais j'étais omniscient, quoi. Mmh. Et maintenant que je suis sorti, je ne sais pas plus qu'un autre homme, donc je ne peux pas vous le dire. Donc c'est là que finalement ils vont tomber sur le bateau. Quand il était à la chambre du Graal, c'était un peu le docteur Manhattan de l'univers. Exactement. Je suis fatigué de ces gens, fatigué d'être pris dans les chevaux de leur vie. C'est exactement. Juste des chevaliers qui viennent dans son bateau. On pourrait faire des parallèles assez intéressants ici. Donc ils tombent sur le bateau où se trouve le Saint Graal. C'est pas eux qui l'amènent au bateau, hein, comme dans la Vulgate. Il y a un bateau avec le Saint Graal dedans. Et Galad demande en fait, prie pour qu'on lui termine sa vie quand il le veut. Et on lui dit ça sera réalisé. Galad a quand même dit à tous les aux 9 chevaliers qui sont partis de saluer le roi Arthur de sa part parce qu'il comprend qu'il va pas rentrer vivant. Le Saint Graal donc quitte l'Angleterre, enfin la Bretagne pour toujours, et donc du coup immédiatement 3 ans de famine. Direct, pour bien mettre l'ambiance. Ouais. Ils arrivent à Sarras, ils sont emprisonnés par le roi de Sarras, Escoran, et au bout d'un an qu'ils sont emprisonnés, le Graal les nourrit dans la prison, etc. Mais au bout d'un an, le roi, il a atteint une maladie mortelle, et il convoque Galad pour se repentir. Galad et ses compagnons lui pardonnent, bon, vous savez, c'est pas grave, une année comme ça. Nous, on adore la contrition, on adore rester dans une cellule à être nourri par le Graal. Et puis, après la mort du roi, ceux de la ville ne savent pas quoi faire, et ils finissent par nommer Galad roi, il est ouin et sacré. Ils ont entre-temps enterré aussi la sœur de Perceval, qui est bien arrivée à Sarras avant eux. Ils l'ont enterré près du Graal, en fait, qu'ils l'ont mis dans le palais spirituel de Sarras. Et alors, Galad, c'est rigolo, parce que Galad prie toujours pour mourir, mais chaque fois qu'il prie pour mourir, d'abord il prie pour mourir, puis après c'est Escorante qui meurt, donc il devient roi. Il demande de nouveau... Donc il est fait roi, et après une année, finalement, il prie de nouveau pour mourir, et on le lui accorde. Il y a une main qui arrive du ciel, qui prend le Saint Graal. Perceval devient ermite près de la ville. Donc il fait un dernier service du Graal, orchestré par Galad, où il voit un homme qui sort du Graal, apparemment le premier évêque, Joseph, qui administre tout ça. Il se met à dire la messe de la glorieuse Vierge Marie, et puis au moment du Saint-Sacrifice, il appelle Galad. Galad s'émerveille que Dieu révèle ses mystères à lui, extatique. Merci de m'avoir montré ce qu'aucun homme mortel ne pourrait dire ni raconter. Je vois la merveille de toutes les merveilles. Et puis, immédiatement, il meurt et son âme est emportée au ciel. Après ça, Perceval se fait ermite. Après un an et 2 mois, il meurt à son tour. Et c'est finalement Bort qui revient à Camelot où il raconte les événements au roi Arthur et à la cour. Et on apprend, entre autres, à la fin de la quête, que Hector refuse toujours de pardonner Gauvain pour la mort d'Erec. Donc ça va être une raison de plus de l'inimitié entre la lignée de Ban et la lignée de Lot. Et d'ailleurs, toute la lignée du roi Ban se lamente un peu de l'inceste, se lamente toujours de l'adultère, entre Lancelot et la reine, parce qu'ils sentent bien que ça va causer des problèmes. Voilà pour cette caste qui s'achève d'une façon assez similaire à celle de la Vulgate. Oui, il y a un peu de détails, genre il y a beaucoup de changements de rythme sur les épisodes de Saras, des inversions. Bon, là je dis la version castienne, mais aussi des changements d'ordre dans les épisodes. Mais c'est clair que c'est à peu près la même histoire pour ça. Pour ce qui concerne le Graal, en tout cas. Pour ce qui concerne le Graal, c'est surtout que c'est comme dans la quest, en fait, c'est vraiment, vous avez plein d'aventures qui succèdent, puis à un moment, il y a un bateau qui débarque, qui dit ok, il faut qu'on aille à la fin de l'histoire maintenant, il amène tout le monde à la fin de l'histoire. Puis je voulais juste préciser, dans la version castillane, vous avez 25 sections, et en fait, il y en a 24, c'est la quête. Et la 25e section, c'est la mort d'Arthur. Et elle n'est pas si longue que ça, donc vous avez vraiment, en termes de taille, c'est le plus gros morceau de cette quest mort, parce qu'elles sont vraiment combinées, quoi. Mais avant d'aborder la fin du royaume arthurien selon la post-vulgate, on va vous passer un petit morceau de musique. On va écouter le premier mouvement des Chichische Psalms de Leonard Bernstein. Il dirige ici l'Orchestre Philharmonique d'Israël et le Wiener Jeunesse et Chor. Oh. Voilà, c'était le premier mouvement des Chichester Psalms de Leonard Bernstein. Alors, vous avez donc entendu la gloire de Dieu révélée par le Saint Graal. Maintenant, allons à des matières beaucoup plus terrestres et sinistres, puisqu'on va arriver à la fin du royaume d'Arthur. On est dans la mort Arthur de la post-Vulgate. Alors, elle est extrêmement courte, comme on l'a dit au début de l'épisode. C'est probablement un des passages où la condensation peut être due justement à la traduction, à la compilation pour sa version portugaise ou sa version espagnole ont été le plus massifs. Il y a beaucoup d'événements qui sont résumés vraiment en un paragraphe, on le verra. Mais dans sa structure, elle ressemble beaucoup à celle de la Vulgate. Elle est vraiment très très similaire, à part vers la fin, où elle étend un peu tout ce qui se passe après la mort. On a le roi Marc qui détruit le royaume, ça c'est peu une innovation. Exactement, elle étend plutôt après la mort d'Arthur en lui-même. Alors elle commence, comme d'habitude, avec la révélation de la déloyauté de Lancelot, de l'adultère qu'il commet avec Guenièvre. Alors ça, c'est extrêmement similaire. Les frères de Gauvin et Gauvin savent, parce qu'ils ont appris ça de Morgane, des peintures qui étaient chez elle, peintes par Lancelot. Et ils vont finalement le révéler, mais un peu malgré eux, en fait. Ils sont en train d'en parler entre eux quand Arthur arrive. Et puis Gauvin, à ce moment-là, dit à Gravin « Non, arrête de parler maintenant, on n'en parle plus. » Et puis Arthur l'a « Mais de quoi vous parlez ?» Et puis Gauvin et... De rien Gariette, du tout, il se passe rien. Gauvin et Gariette insistent. Le roi dit à Gravin « Mais de quoi vous parlez ?» Puis Gauvin dit « Non, non, mais il n'y a rien, c'est rien, c'est juste, c'est très bien, tout va bien. Laissez-nous, il n'y a rien qui sera mauvais pour vous là-dedans. » Et puis le roi dit « Non, non, mais dites-moi, je veux savoir. » Et puis Gauvin dit « Non, non, non, mais vous inquiétez pas, mon conseil est bon, il n'y a rien de bon ne viendra de tout le monde, que tout le monde sache à propos de ça. » Et Agravin va juste vous dire la plus grande plaisanterie, le plus grand mensonge au monde. Et le roi Arthur lui dit « Non, non, mais je veux savoir par Sainte Marie, je vous demande par votre hommage et le serment que vous m'avez juré de me dire. » Et puis Gauvin dit « Non, non, mais vous sachez que vous ne le saurez pas. » De ma part ou de celle de Gariette, et que si quelqu'un vous dit, du mal lui viendra et pire à vous. Et du coup, Gauvin dit non, non, mais bonne chance, moi je vous le dirai rien si Dieu veut, et lui et Gariette s'en vont. Les trois autres neveux, Agravin en tête, disent non, non, mais on vous dira pas. Le roi commence à les menacer, il s'apprête à tabasser Gauvin, il sort une épée, il s'apprête à frapper Gauvin Agravin avec une épée, et Agravin finit par dire ok on vous dira, et il leur dit effectivement, ils lui disent en fait effectivement ce dont il parlait, et on lui explique qu'effectivement le roi avait entendu dire à plusieurs reprises que Lancelot aimait Guenièvre, mais il avait toujours essayé de lui dire non mais c'est normal, enfin, Lancelot aime Guenièvre, d'accord, mais elle est si belle, évidemment. Vous connaissez ma femme. Vous connaissez ma femme, exactement. Exactement ça. Il dit vraiment, c'est le pouvoir de l'amour qui lui fait aimer ma femme, mais c'est pas grave, je pense pas qu'il est capable de passer à l'action. C'est comme dans la mort Arthur Vulgate, il dit basiquement à ses neveux, si vous voulez ça fait un peu série policière, il dit, si vous voulez monter un cas contre Lancelot, il faut le saisir en flagrant délit. Voilà, exactement. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et du coup, finalement, le roi est extrêmement triste. Et Gauvin et Gareth reviennent et ils voient qu'effectivement le roi est très triste et qu'ils réalisent qu'il doit lui avoir dit. Et Gareth dit à Gauvin, non, un jour maléfique est venu à Camelot aujourd'hui. Si je sais bien la fierté de la lignée du roi Ban, le roi paiera, le royaume de Logue paiera très cher pour ce qui a été dit au roi. Et en fait, tout le monde, personne n'ose parler à part les cinq frères. Et puis ils apprennent des nouvelles qu'il y a eu un tournoi à Sorelois et un tournoi à Carael, pardon, et les hommes de Sorelois et les hommes de la Terre dévastée ont été battus sans pitié, et c'est Lancelot qui les a tous battus. Du coup, Arthur est encore plus dépité parce que Lancelot est un si bon chevalier. Et finalement, ouais, il est vraiment très triste parce que d'un côté, il sait que si Lancelot est pris ou tué à cause de cette affaire, bah c'est le plus grand malheur qui surviendrait de la mort d'un seul chevalier, mais il préférerait mourir plutôt que de ne pas voir son déshonneur vengé. Et finalement il dit non, j'aimerais que vous provoquiez effectivement, vous le preniez en flagrant délit pour prouver vraiment sa culpabilité sans ombre d'un doute. Il ménage une espèce de guet-apens où tout le monde va partir et puis on va laisser personne au château, et puis on se dit je me sens un petit peu malade, je vais pas venir avec vous faire tout ce... Et du coup il va aller fricoter avec Guenièvre. Mais Agravin et avec quelques soldats vont essayer de le saisir. Cela dit, d'abord, Gauvin et d'ailleurs Gaëriette refusent de participer, en fait. Gauvin explicitement, pour le coup, Gauvin qui est plus positif finalement dans cette version, En tout cas, jusqu'à ce que ses frères soient tués par Lancelot. Peut-être justement parce que ça reprend de la mort du roi Arthur. Oui, où il est plus noble. Parce que dans la mort du roi Arthur, le déclencheur de l'animosité entre Gauvin et Lancelot, c'est parce que Lancelot tue Gaëriat. Oui, et c'est pareil ici. Ouais. Sauf que ici, là, bah, du coup, Gauvin est vraiment très noble et insiste parce que non, c'est... rien de bon ne peut venir de tout ça. Mais du coup, vous avez une intégration qui n'est pas complètement, disons, on voit les coutures. C'est-à-dire que vous avez le chapitre d'avant, il y a quelques chapitres, il y a Arthur qui disait « Je ne veux plus jamais voir Gauvin de ma vie, qu'il soit maudit et que Dieu le fasse périr. » Et puis d'un seul coup, ça revient et puis on revient au statu quo, en fait, de Gauvin à peu près noble. Voilà. Et alors Lancelot revient, il sent bien que Arthur est vraiment froid avec lui. Et finalement, il y a toute l'histoire où il prévoit d'aller dans le logis de la reine pour lui rendre visite. Et Bort essaie de le dissuader. Bort, qui est vraiment l'illustration dans The Too Old for This Shit, comme d'habitude dans la mort d'Arthur, hein, parce qu'il a vécu toutes les aventures du Graal. Lui, il en a vu d'autres, mais il a l'air d'être un peu conscient en fait que toutes les imbécilités qui se passent ici-bas sont finalement... bien peu il est à la fois très en dehors de ça, puis attristé par tout le péché et tout ce qu'il voit, en fait. Alors évidemment, je ne vais pas vous résumer ça, mais dans le détail, disons, mais Lancelot est pris en flagrant délit par des hommes d'Agravin et dans le lit de la reine. Alors là, il n'est pas tout nu, je crois. Il parvient quand même à s'équiper, puis tuer les chevaliers qui essaient de rentrer. Alors c'est comme dans le jeu vidéo, ils essaient de rentrer un par un. Et puis, un par un, Assassin's Creed 1, où ils le battent vraiment l'un après l'autre, et puis tous les tuer. Ils se font tous battre, mais il parvient à s'échapper sans la reine. Il parvient à retrouver Bort et Hector, donc il lui raconte ça, et il décide du coup de partir, mais il prévoit déjà que la reine va se faire condamner au bûcher. Donc il décide, bon, on va tous partir, on va sortir, et puis quand ils la sortiront pour aller la brûler, ils savent déjà que ça va se passer. Ils se mettent en embuscade vers les forêts. Alors effectivement, ce qui devait arriver arriva. Les hommes d'Agravin avec Agravin arrivent à amener la reine devant Arthur. Arthur est attristé, demande mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il demande au roi Yon. Alors je sais pas comment il est appelé dans la version castillane, mais moi au début j'ai pensé que c'était le roi Rion, mais je lui dis mais non, mais le roi Rion c'est un ennemi d'Arthur, puis il est mort dans la suite du roman de Merlin, donc c'est pas lui. Mais c'est un roi. Il n'est pas du tout mentionné, en tout cas il n'est pas lié à un autre roi dans la version de Noridji Lassi. L'index le relie qu'à ce roi qui apparaît dans la fin de la post-vulgate, donc je sais pas si c'est un personnage préexistant, mais je sais pas, c'est le roi Yom ou Yon, I-O-M. Le roi Yon, qui est un peu la force modératrice en fait, demande à un délai, parce qu'il dit non, c'est pas la coutume de juger quelqu'un comme ça après l'heure de non, donc après midi en fait. Donc du coup il décide d'attendre le lendemain, et effectivement c'est ce qui se passe le lendemain. Et tout le monde, et surtout Mordred et Agravin et les autres barons, décident de pousser pour la mort comme sentence. Et effectivement, c'est ce à quoi elle est condamnée, et ils la font sortir habillée de soie rouge pour aller se faire brûler. Et tout le monde, évidemment, est très très triste dans le village parce que voilà, c'est la reine. Tout le monde est extrêmement attristé. Et Gauvin, qui est toujours loin, n'y participe pas, mais le roi demande à Agravin et à ses frères de prendre 80 chevaliers et de garder le champ où se trouve le bûcher, pour empêcher Lancelot de la secourir. Et Agravin dit, ouais, si vous voulez que j'y aille, il faut que vous donniez l'ordre à Gaëriette de venir avec nous. Et Gaëriette refuse d'abord, mais finalement, le roi le menace et il accepte. Et donc Gaëriette et Agravin vont garder, sans Mordred d'ailleurs, vont garder le bûcher. Et alors pendant la bataille... qui s'ensuit évidemment, parce que Lancelot arrive avec ses 37 chevaliers et il les bat tous jusqu'aux derniers hommes. Il tue notamment Gaëriette, il tue Agravin, il tue Gaëriette. Gaëriette hésite un peu au début, il n'est pas très enclin à se battre, et finalement il est en fait il perd d'abord son casque, puis il erre un peu choqué sur le champ de bataille, et Lancelot le reconnaît pas en fait, et il le transperce de sa lance. Ouais. Alors que les autres, bon, c'est un peu plus... Gaëriette et Agravin sont un peu moins sympathiques, donc eux, ils se font tuer normalement, mais Gaëriette, c'est un peu plus tragique. Et il reste plus, finalement, sur le champ que Mordred, qui en fait était là, mais qui était... je vous dis d'une erreur, il faisait partie de la liste, mais il n'est pas mort. Et les deux autres chevaliers de la table ronde. Et finalement, quand Arthur se rend sur le terrain, il voit ce qui s'est passé, il apprend de Mordred l'issue de la bataille, il se rend, il voit les corps morts d'Agravin, de Gaëriette et de Gaëriette. Et c'est au tour de Gauvin d'arriver, qui lui est désespéré, surtout par la mort de Gaëriette. Mmh. Et c'est ça en fait qui le pousse à la vengeance contre la lignée du roi Ban et contre Lancelot. Et c'est très drôle parce que c'est là qu'ils vont le faire. Alors ils les font enterrer, les trois frères de Gauvin, dans l'église Saint-Étienne de Camelot. Et alors il nous dit, alors ils font deux très belles tombes pour Guéret et Agravin. Puis après ils font une tombe plus belle pour Guéret. Qui est plus, on dit littéralement, elle est plus belle que les deux autres. C'est très très drôle. Et donc ils mettent les noms dessus, Gaëriette, ici Gilles Gaëriette, neveu du roi Arthur, donc là, qui a été tué par Lancelot du Lac. On suit complètement la mort le roi Arthur classique de la Vulgate, et on va enchaîner justement sur plusieurs espèces de conseils de guerre où différents rois, personnages vont essayer de pousser Arthur à « il faut venger son honneur, il faut faire quelque chose » et aller assiéger Lancelot qui a récupéré Guenièvre. Alors on a Guillaume qui est plutôt modéré, on a Mordred qui pousse vraiment à la bataille, et alors c'est très très drôle parce que d'abord ils vont assiéger la Joyeuse Garde. Parce que Guenièvre et Lancelot sont refusés à la Joyeuse Garde. Et en fait, on nous dit en trois lignes que... alors, ils ont assiégé la Joyeuse Garde, mais écoute, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas. Gauvin et ses... malgré Gauvin, malgré tout le monde, Lancelot et ses hommes parviennent à les, vraiment les repousser sans même faire d'efforts, en fait. Et finalement, il y a en fait une histoire de... Il y a d'abord un... On nous explique une trêve est arrangée par l'intermédiaire de l'archevêque de Canterbury, qui est un parent de la reine Guenièvre. Et finalement, on conclut une trêve et la reine est ramenée, alors que le roi Arthur avait promis à un émissaire de Lancelot d'être sans merci, vu que Lancelot accepte de redonner la reine au roi, et le roi l'accueille vraiment très volontiers. Et on dit même que le roi l'accueille avec grand plaisir, en fait. Donc c'est un peu curieux, quoi. Il était si prêt à la brûler avant. Et là, on dit non, c'est... l'église fait pression et donc du coup il doit la reprendre. Nouveau, une indication de l'augmentation du pouvoir de l'église, parce qu'en vrai au 5e siècle je doute que les évêques aient eu assez de puissance pour ça, mais là on est clairement dans une dimension très 13e siècle où le pouvoir ecclésiastique a une forte influence. Et donc on fait la trêve est actée, donc la reine est revenue, et du coup Lancelot qui voit le mauvais plan décide de quitter la Bretagne. Il va s'établir en Gaule et au royaume de Gaune. Et finalement, vu qu'ils, techniquement, ils sont rois avec lui et ses cousins, ils sont à peu près rois de partout là-bas. Et il fait nommer Lionel et Bort rois de Gaune et de Benoïc. Et du coup, ils sont... Et lui-même règne pas vraiment. C'est lui qui serait un peu le roi en titre de la Gaule, en fait, s'il voulait. Mais il délègue ça à, justement, ses parents. Mais Arthur est vraiment fâché de ce développement et finalement finit par les poursuivre là-bas. Et puis, ils vont... alors la question de la reine a été réglée, mais il reste l'envie de Gauvin de se venger, notamment pour ses frères. Et en 2-3 lignes, il va expliquer que non, il veut vraiment que je le défaite. Et on nous dit même que Lancelot aurait pu sans problème battre toute l'armée d'Arthur, parce que Lancelot, en fait, a tellement de chevaliers qui sont fans de lui, à force de faire des aventures, il a tellement de fans, d'amis, de connaissances partout dans le monde, que quand il appelle à l'aide contre le roi Arthur, tout le monde vient. Tout le monde vient. Et en fait, il est tellement adulé par tout le monde que... Il a tellement de chevaliers et d'hommes qu'il pourrait sans problème battre Arthur et le renvoyer en Bretagne ou même le capturer, mais que par amour pour lui, il refuse, donc il supporte le siège sans broncher, jusqu'à ce que Gauvin propose un duel, en fait, parce que il lui demande, si Lancelot, si tu maintiens que tu n'as pas tué mes frères par traîtrise, je le prouverai en battant contre toi. Et Lancelot, lui, est de l'avis que non, il n'a pas tué par traîtrise, parce que c'est les frères de Gauvin qui ont refusé de le laisser prendre la reine et qui se sont mis... En danger eux-mêmes, et donc que c'est pas sa faute. Et donc c'est un combat. Il faut rappeler un peu au niveau de la chronologie que quand même Gauvin a quoi, Lancelot a 55 ans, je crois. Gauvin est un petit peu plus âgé, mais c'est quand même des vieux bonhommes qui vont s'entretuer là. À ce moment-là, ouais, effectivement. Et on a donc l'affrontement avec le motif de Gauvin qui regagne sa puissance vers midi, mais ça lui suffit pas. Alors là, même dans la version portugaise, c'est même pas précisé en fait. Ah. Hein, nous, on nous dit juste que ça se passe dans le royaume de Gaune, on met les termes. Alors Gauvin a promis que si Lancelot le bat, le siège est levé et puis Lancelot est pris et libre de toute requête contre lui, donc il est effectivement innocenté. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on pourrait imaginer que tout le monde sait qu'il a été pris en flagrant délit avec la reine, mais non, il a été officiellement innocenté en duel, donc du point de vue légal, c'est comme si ça s'était pas passé. Et d'un autre côté, si Lancelot est battu par Gauvin, tous ses hommes deviennent des vassaux du roi Arthur, à l'exception du roi Bors et du roi Lionel, qui eux sont déjà des rois, donc ils ne peuvent pas être vassaux d'un roi. Ce qui est intéressant, parce que normalement le roi Arthur n'a pas de problème à avoir des rois sous ses ordres, mais enfin bon, voilà. Alors ils se battent, on nous dit, c'est dans deux lignes. Ensuite, les deux chevaliers se sont attaqués, et la bataille a duré longtemps. Mais à la fin, Gauvin était si tant blessé qu'il ne pouvait pas en faire plus, et Lancelot l'aurait tué si ce n'était pour l'amour qu'il portait au roi et à tous les barons du royaume de l'Ogre. Et sachez que dans cette bataille, Gauvin a reçu une blessure de laquelle il ne serait jamais guéri et qu'il l'amènerait finalement à sa mort. Et donc, à la fin de la bataille, Lancelot déclare Lancelot et toute sa famille libres, enfin innocents de toute plainte qu'il avait eue contre eux, et c'est fini. Voilà, la guerre contre Lancelot est finie là. Effectivement, c'est tellement résumé qu'en fait, non, il n'y a même pas le motif que d'habitude il y avait dans le duel. Ouais, exactement, c'est vraiment en deux lignes, quoi. Et c'est là qu'en un paragraphe, on explique qu'à ce moment-là, où l'acte de résolution entre Lancelot et Arthur était préparé, l'empereur de Rome se trouve en Bretagne avec une armée, et il essaie de s'emparer de la Gaule et de ensuite conquérir le royaume de l'Ogre. Et du coup, Gauvain et tous les autres chevaliers vont se battre contre l'empereur de Rome, vont le battre, le tuer et capturer plusieurs des meilleurs Romains, et leur font jurer qu'ils ramènent le corps de l'empereur à Rome. Et c'est, il leur dit, et Arthur leur fait dire, voilà, vous ramenez le corps de l'empereur à Rome, puis vous dites aux Romains, c'est le tribut que je vous dois. C'est assez badass quand même. C'est assez film d'action. Il y a pas mal de one-liners quand même. Il y a pas mal de one-liners. On a pas mal de répliques comme ça, assez classe. Et voilà, et le même jour où on apprend la défaite de l'empereur des Romains, un écuyer arrive pour dire au roi Arthur que Mordred, son neveu, et tous les bons hommes de sa terre s'est tourné contre toi et a été couronné roi de toute votre terre. Il est en train d'assiéger la reine Guenièvre dans la forteresse de Londres. Alors là, on dit bien Londres ou l'ogre, suivant comment, mais ça doit être sans doute la tour de Londres. La tour de Londres. Parce que c'était comme ça dans la Vulgate d'ailleurs. Mm-hmm. Et il menace de la tuer parce qu'elle refuse de la prendre pour enfant. Et là, on vous fait c'est vrai que je vous avais pas dit. Mais avant de partir, Arthur avait effectivement nommé Mordred, et Mordred, blablabla, avait pris pouvoir en s'appuyant sur les barons locaux. Il essaye de s'emparer de la reine Guenièvre. Alors finalement, il y a toute une histoire, effectivement, de retour. Je pense qu'on notait, par exemple, que là, en tout cas dans la version castillane, on apprend que Queux meurt en Normandie, oui, et que ceux du lignage du roi Bon, ils firent bâtir une ville en son honneur qui avait nom Caen. Et apparemment, c'est quelque chose qu'on avait déjà... je crois que Wasle faisait déjà le jeu de mots à l'époque entre Queux et Cayam dans la version portugaise. Oui, Queux meurt de ses blessures juste après l'annonce, il meurt en Normandie, et pendant ce temps, il traverse, et là, on ne nous dit même pas que Gauvin meurt dans l'accostage, meurt dans une bataille en accostant, c'est juste Gauvin meurt dès qu'ils sont arrivés en Bretagne. Et on porta son corps au château de Coif. Moi, j'ai Cross, mais... Et j'aimerais vous lire intégralement la traduction de la version castillane de la bataille de Salosbière. Donc c'est la bataille finale du monde arthurien, une des traces les plus anciennes de la légende d'Arthur, sa bataille finale dans laquelle il serait tombé, le moment fatidique auquel tout ce cycle a mené. Attends, juste d'abord, avant que tu résumes ça, il faut préciser que le récit nous dit que dès que Mordred apprend que le roi Arthur est en train d'arriver contre lui, il lève le siège à Londres, donc la reine se précipite dans un couvent pour essayer de se mettre en sécurité au cas où Mordred revient, et les barons de Mordred, parce qu'on dit quand même que Mordred était bon, il y avait du bon en lui, et du coup les barons se préparent à le défendre contre le roi Arthur, et donc la reine Guenièvre se rend dans ce couvent en disant bon, si gagne quand même Mordred, je serai protégé par le couvent, et sinon je pourrais revenir auprès d'Arthur. Et donc Mordred va avec toute sa compagnie pour rencontrer le roi Arthur. Et c'est là que j'imagine que tu veux continuer. Alors, je vous lis le texte. « Après que les deux armées se furent rassemblées dans les champs de Salosbière, l'on put voir une foule de preux dans chacun des deux camps. Il advint ensuite qu'on se mit à se frapper de la lance et à échanger des coups. Vous auriez pu voir tant de morts et de blessés qu'on aurait su les dénombrer. Et c'est un jour funeste, celui qui vit s'engager cette bataille si affreuse pour les deux parties, où trouvèrent la mort tant de preux et de chevaliers prisés que le royaume de Londres en fut désormais privé à tout jamais. » Lors de la bataille, 7 rois furent tués. Vous pouvez savoir lesquels par le livre du Bray. Donc, parmi le du cri. Donc, il y a des gens qui sont... Si vous voulez le lire, achetez le volume 14. Parmi les morts, il y avait Queux d'Estrose, donc un autre Queux, d'Odinel le Sauvage, Brandélis, et ainsi jusqu'à 20 compagnons de la table ronde, dont celui de moindre valeur passait déjà pour un chevalier merveilleusement bon. Ah, c'est juste une note, dans la version portugaise, c'est là qu'on nous dit que Yvain meurt. Ici pas, mais lors de cette même bataille, Mordred fit tant de prouesses qu'en le voyant, on ne pouvait que s'en émerveiller et le tenir pour un chevalier très aguerri. Et l'histoire nous dit, sachez-le, que tout au long de sa vie, il n'avait pas fait autant qu'en ce seul jour. On nous dit qu'il tua 7 compagnons de la table ronde, dont le livre du Bray donne les noms et les hauts faits. Le roi Arthur lui aussi se démena tant et si bien ce jour-là que tous les siens, reprenant courage, ne se laissaient pas de frapper tantôt de la lance, tantôt de l'épée. Lucain, qui suivait de près toutes ses prouesses, dit alors à Girflet « Messire Girflet, ayons l'assurance d'emporter cette bataille, voyez comment le roi Arthur fait très bonne figure, tuant et semant la déroute chez l'ennemi. » Là-dessus, le roi Arthur s'aperçut que Bliobléris venait de tuer Mordret, dont il traînait la tête derrière lui, le reste du corps ayant été démembré. Le roi demanda alors à Bliobléris « Que vous reste-t-il de ce traître qui a causé tant de troubles ?»« Voici sa tête, sire, » répondit-il. Voilà qui me plaît bien, dit le roi. Nous allons la placer à un endroit bien visible. Quant à vous et à l'archevêque, vous allez demeurer sur place pour faire bâtir une tour. Vous déposerez toutes les têtes des cadavres qui jonchent le champ de bataille. Puis vous attacherez la tête de Mordred avec une forte chaîne au sommet de la tour. Vous rédigerez aussi une inscription pour dire qu'il fut à l'origine du deuil immense qui résulta de ce champ de bataille. De la sorte, nos descendants apprendront par cette inscription les grands malheurs qui sont arrivés à cause de lui. Ils voueront alors son âme à l'enfer. Quant à moi qui fus jusqu'ici un roi bienheureux, je prie mon maître Jésus-Christ en ces derniers jours de ma vie. Je lui demande la grâce de ne jamais pardonner à Mordred son péché contre le royaume de Londres et de le garder à tout jamais en enfer et qu'il veuille m'accorder à moi la vie sans terme en son divin paradis. Amen. Alors c'est très bien, donc du coup il meurt de vieillesse en fait Arthur dans cette version-là plus ou moins. Plus ou moins. Il doit avoir 80 ans. Non, il est blessé mais il meurt basiquement ouais, de vieillesse. Alors c'est très drôle la version portugaise, parce que la version portugaise c'est un peu plus long quand même et c'est pas Biobéris qui tue Mordred. Dans la version portugaise... Donc tout se passe, comme tu l'as dit, jusqu'à ce que Gyrflay et Lucan débattent des prouesses d'Arthur. Et là, on nous dit justement qu'Arthur chevauche jusqu'à se rencontrer Mordred. Alors, la traduction anglaise, je vous la lis. King Arthur rode about the battlefield until he met Mordred. Donc le roi Arthur chevaucha sur le champ de bataille jusqu'à rencontrer Mordred. And he gave him such a great blow on the helmet that he laid unconscious on the ground. Et lui donna un tel coup sur le crâne qu'il tomba inconscient sur le sol. Il pense que Mordred est mort et lui dit « Mordred, quel mal m'as-tu fait ? Mais ça ne t'a amené aucun profit. Le roi Arthur a donc mis Mordred à terre, comme je vous l'ai dit, mais Mordred n'est pas resté sur le sol pour longtemps. Ses vassaux l'ont ramené, ils l'ont remis sur son cheval et il se sent si honteux qu'il a tombé à la vue de ses hommes. » Donc le contraste avec Arthur qui lui se bat tellement bien que ses hommes lui disent « Ah, on va forcément gagner. » Du coup, il charge sur sa Sagremor, il casse en fait, enfin il frappe la tête de Sagremor et sa tête tombe et son corps tombe au sol et le roi qui a vu ce coup dit oh mon dieu quelle mauvaise chance, le traître tue des bons et fidèles chevaliers. Bah oui, j'imagine qu'il a fait ça depuis le début de la bataille le traître. Le roi qui a récupéré sa lance charge Mordred qui était si courageux qu'il n'a pas vacillé et qui en retour l'a frappé si fort qu'il a mis sa lance à travers lui et que le bois est apparu de l'autre côté. Et l'histoire dit qu'après qu'il ait retiré la lance, un rayon de soleil est passé à travers la blessure, donc la blessure d'Arthur, si brillant que Gyrflay l'a vu clairement et que le peuple de la terre, enfin le peuple du pays, quand ils l'ont entendu, ont dit que c'était un miracle de notre Seigneur et un signe de deuil. Mordred savait qu'il était blessé à mort. Il frappa l'oncle le roi si fort que ni casque ni coiffe de maille empêcha l'épée de pénétrer jusqu'à l'os et de couper une large partie du crâne. Et avec ce coup-là, le roi tomba au sol et Mordred aussi. Donc Mordred transpercé de part en part, le roi Arthur a un bout du crâne qui lui manque. Ouais. Et dans cette façon-là, comme je vous l'ai dit, le roi Arthur a tué Mordred et Mordred l'a blessé mortellement. C'était un grand méfait, une grande perte, car il n'y avait pas, après le roi Arthur, un roi chrétien qui fut si favorisé et qui fit autant de bien et de bons actes et qui honorait tant la chevalerie. Donc plus proche de la version de la mort Arthur standard. Beaucoup en fait. Plus, mais ça reste quand même très abrégé. Hein. Il y a une addition qui est assez intéressante, je crois qu'on l'a peut-être mentionné avant, c'est quand, de nouveau, à propos de la légende de Charlemagne quand il vit en Angleterre, il y a Ganelon, le traître, celui dont vous avez maintes fois entendu parler des forfaits, qui voit que la tête de Mordred était toujours accrochée à cette tour et qu'elle était là pour blâmer tous les traîtres de la terre, et se sentant visé lui-même, Ganelon s'y rendit de nuit pour enlever la tête de Mordred et la placer en un autre endroit. Je trouve que vous êtes vraiment méchant et disrespectueux envers les nazis. c'est exactement ce genre de rhétorique. Très méchant avec les traîtres félons, et puis du coup, on nous dit aussi la tour quand elle demeura sur place et on ne la démolit pas. De nos jours, il en reste encore deux murs. Ce sont les murs de la tour au trépassé dans la campagne de Salosbière. Donc c'est cette espèce de tour, non, qu'on a, qui est, c'est pas cette tour qui se trouve quelque part près de Salisbury où on a vu, qu'on avait vu dans Tu penses The Kid Who Would Be King, là, la Glastonbury Tor, tu penses. C'est peut-être ça, une allusion. Peut-être ça, mais je pense là, il parle d'une ruine, de ruines, donc je pense que c'est plutôt juste des ruines qu'on a dans la région. En tout cas, on nous dit que toute l'armée de Mordred a été exterminée, que des 60 000 hommes qui s'étaient rencontrés ce jour-là au combat, il restait seulement 60 personnes, donc 60 survivants dans l'équipe d'Arthur. Et finalement, en fait, c'est Bleoberis qui récupère le corps de Mordred en fait, qui l'attache à son cheval et puis qui chevauche jusqu'à justement le couper en morceaux en fait à force de le traîner derrière lui. Mmh. Et c'est là qu'il récupère la tête et c'est là que le roi le voit avec la tête. Et d'ailleurs, le roi a une espèce de remarque sur le corps de Mordred en disant ah Mordred dans une à un moment maléfique, à un moment mauvais, je t'ai fait. bah, littéralement, hein, c'est lui qui l'a, c'est son père. Tu m'as ruiné, moi et le royaume de l'ogre, et tu es mort en rémission de ça. Maudite soit l'heure à laquelle tu es né. Donc voilà, la bataille est terminée. Il reste du côté d'Arthur, seuls 4 hommes à dos de cheval, l'archevêque de Canterbury, Bluoberis, Girflet et Lucan le Bouteiller. Arthur est à cheval, mais il sait qu'il va mourir, donc il n'est pas compté comme un des 4. Donc il voit tous les morts, il voit tout le monde, et ils vont finalement quitter la plaine de Salisbury. Donc, et c'est là que bah, Bluoberis, qui a toujours la tête de Mordred, se fait ordonner de construire cette fameuse tour où on va mettre la tête de Mordred. Avec l'archevêque. Avec l'archevêque et Bluoberis. Et entre-temps, Lucan, Girflet et le roi Arthur se rendent dans une chapelle ancienne. Et alors, il y a plusieurs. La chapelle est évidemment un espèce d'endroit de crossover parce qu'elle appartient à plus d'un récit. Et elle appartient avant tout au conte du cri, donc on ne dit pas pourquoi elle a ce nom, mais c'est la chapelle ancienne. Et en fait, c'est là que Lucan le Bouteiller comprend que le roi est mortellement blessé et commence à pleurer. Et le roi, en entendant Lucan pleurer, devient stressé parce qu'il dit: ah, mais je vais mourir en fait. Il réalise qu'il va mourir, et littéralement, le roi a peur des paroles de Lucan, comme un homme qui entend parler de sa mort. Il répond: ah, la perte ne sera pas la mienne seule, mais beaucoup de bons hommes vont perdre de ma mort. Et littéralement, il tombe à plat. Et comme il était large et lourd, il écrase Lucan. Il écrase Lucan, qui était désarmé, qui s'était désarmé en fait entre lui et le. I'm taking you down with me. Ben ça, on s'en rend compte en fait. Et du coup, Girflet explique au roi qu'il a tué Lucan. Et du coup, Girflet est désespéré et dit: ah, mais je suis pas le roi Arthur qui devait être le roi des aventures à cause de la bonne fortune. Je suis le roi Arthur qui a des aventures de malchance. Et le hasard, qui est devenu ma belle-mère et mon ennemi, m'a fait cela. Donc, j'adore le hasard, c'est ma belle-mère et mon ennemi. C'est vraiment l'association ancestrale de la belle-mère avec l'ennemi, quoi. Je crois qu'il y a mon. Le moment le plus drôle que j'aime sur cette fin dans les derniers discours d'Arthur, c'est quand il dit: je suis venu dans le monde par aventure et je partirai par aventure. Et justement, aboutit justement la dernière aventure du roi Arthur. Alors, entre-temps, Bluoberis et le roi Arthur ont construit la tour, puis ils partent. Puis du coup, ils se séparent. Bluoberis va chercher Lancelot l'archevêque, lui, veut devenir un ermite et ils vont se rendre à un ermitage. Et Bluoberis sait où se trouve l'ermitage, vu qu'il l'a déjà été, visiblement, et décide de le rejoindre plus tard. Alors, un jour, il rencontre Arthur le Moindre, et alors, c'est un peu compliqué. Arthur le Moindre, ils ne se reconnaissent pas, mais Arthur le Moindre pense que Bluoberis est un de ses ennemis, parce que Bluoberis est effectivement de la famille du roi Ban. Et vu que c'est la famille du roi Ban qui a causé plus ou moins l'origine de la guerre à travers qui tout le monde est mort, en fait pas du tout, parce que c'est Mordred qui a causé, donc c'est vraiment pas vrai. Mais du coup, ils se battent, ils le forcent à se battre, et Arthur le Moindre finit par être blessé à mort, et il se rend compte qu'il a fait une bêtise, et il meurt, tristement. Pour dire qu'il a trouvé le Graal, c'est pas un des destins les plus glorieux des chevaliers du Graal, disons. Bluoberis, en tout cas. Arthur le Moindre, et... C'est un moment assez touchant d'ailleurs, au moment où Bluoberis a blessé Arthur le Moindre à mort. Il s'apprête à aller vers lui pour lui enlever son casque pour qu'il puisse un peu respirer et puis mourir dignement. Et puis Arthur le Moindre est terrifié que Bluoberis veuille le décapiter en fait. Donc il y a des moments assez réalistes comme ça, un peu de. Il y a des moments où totalement c'est juste bataille après bataille après bataille. Puis il y a des moments où il y a vraiment des côtés un peu presque touchants, quoi, comme ça, quand un chevalier meurt comme ça en fait. Et Arthur le Moindre à ce moment-là révèle à Bluoberis que Arthur, en tant qu'Arthur le Moindre, il est en fait le fils du roi Arthur, et il le fait mettre ça sur sa pierre tombale. Et c'est là finalement que Arthur et Girflet s'en vont vers la mer, et à midi, arrivant à la mer, il tire son épée de son fourreau et la donne à Girflet pour que Girflet la lance. Alors vous connaissez l'histoire évidemment. Et alors Girflet veut rester avec Arthur jusqu'au bout. Il dit: je veux voir quelle sera. Il veut en fait voir la fin de l'histoire. Il veut savoir quelle va être la fin d'Arthur. Arthur dit: si on vous demande de mes nouvelles, vous direz que le roi Arthur, que c'est par l'aventure que le roi Arthur est venu au monde et que c'est par l'aventure qu'il est reparti. Et encore que ce fut le seul roi aventureux, à telle enseigne qu'après lui, il n'y aura plus sur terre de roi aventureux. Donc il y a l'épisode de l'épée lancée. Alors d'abord, Girflet refuse de lancer l'épée, il lance son épée à lui. Il demande, le roi Arthur demande: qu'est-ce qui s'est passé? Il dit rien. Il dit: tu m'as menti, va jeter l'épée. Et il le fait. Il fait avec le fourreau d'abord, puis après, finalement, il le fait avec l'épée une fois que. Et là, évidemment, comme dans la version de la Vulgate, la main saisit l'épée, la brandit et la ramène sous l'eau. Et là, une fois qu'il a dit ça, le roi Arthur lui dit de partir, effectivement. Et de loin, il voit arriver la fée Morgane avec, dans une barque et elle emporte Arthur avec son cheval aussi. J'ai noté ça. Et elle met le cheval d'Arthur avec lui dans la barque. Je trouve ça très drôle. C'est très indo-européen, Antoine. Bah oui, mais on est enterré avec son cheval, effectivement, dans un kourgan sur l'île d'Avalon. Le lendemain à l'aube, Giroflée revient à la chapelle. Revient dans un bosquet près d'une chapelle. Alors est-ce que c'est la même? Mais je crois. Mais c'est la chapelle ancienne, oui, parce qu'il voit ancienne. Le comte. Il voit que Lucain le Bouteiller a déjà été enterré ici. Oui. En fait. Alors il voit la tombe d'Arthur qui, par sa prouesse, fit la conquête de 12 royaumes d'après une inscription. Mm-hmm. Et sur l'autre monument, Lucain le Bouteiller, que le roi Arthur est tout face sur son corps. Pas de c'est très très sympa. Ah le roi Arthur glorieux. Ah puis il y a le mec qui l'a tué en l'écrasant. Puis donc il demande à l'ermite: est-ce que c'est vraiment ici que gît le roi Arthur? Puis il y a l'ermite qui dit: c'est ce que je crois. Il y a pas longtemps, il est arrivé un cortège de dames portant sur une civière la dépouille d'un chevalier. Elle menait grand deuil et d'après ce m'ont dit, pour le roi Arthur. Après, elles l'ont mis dans ce tombeau, elles sont parties. Giroflée ouvre le tombeau, il soulève la dalle, il regarde à l'intérieur, mais il trouva que le home du roi. Voyant que le corps n'y était pas, il montra le tombeau vide au sein, tout en disant, le roi n'est pas enterré ici. Et il dit, vous avez vu placer le corps du roi ici? Il dit, oui, ils l'ont mis là. Et puis, ma foi, dit Giroflée, c'est en vain que je me donnerai de la peine pour enquêter sur la mort de mon maître et sur ce qu'il est devenu. Ce fut vraiment un roi aventureux dont personne ne connaîtra les circonstances de la mort. Il avait donc raison quand il me dit qu'il était venu au monde par aventure et qu'il s'en irait de même. Je me rends bien compte que rien ne sert de le chercher puisque je ne l'ai pas trouvé sur place. Et puis, il enchaîne, les choses étant ainsi, je ne veux plus vivre dans le monde, je vais demeurer dans cet ermitage où je vivrai jusqu'à ma mort. Dans l'intervalle... Les fils de Mordred, alors je sais pas quel âge a Mordred pour rendre ça vraisemblable, mais visiblement elle a des fils en âge d'être actif. Les fils de Mordred donc continuent à semer le trouble en Bretagne. Et en fait, la reine apprend que la bataille a eu lieu, que le roi est mort, que tous les bons chevaliers sont morts, que les fils de Mordred sont en train de s'emparer de la terre. Elle se dit qu'il y a un risque qu'il la fasse tuer, donc elle prend l'habit en fait, elle devient nonne. Et elle va mourir en fait avant d'avoir pu revoir Lancelot, contrairement à la Vulgate. Dans la Vulgate, ils se retrouvent. Ils ont ce moment assez touchant. Il y a une variante en tout cas où ils se retrouvent. Il y a cette variante dans la Vulgate où ils se retrouvent qui est assez touchante. Là, pas du tout. Hein, c'est vraiment la version standard où il meurt sans être revu. Et en fait, elle meurt parce qu'on nous dit il y a deux dames qui sont nonnes avec elle. Et puis il y en a une qui est aussi amoureuse de Lancelot. Il y en a une qui est aussi amoureuse de Lancelot, effectivement, que Lancelot avait rejeté. Et l'autre qui est qui était l'ancienne fiancée de Giroflée, ironiquement. Elle aimait beaucoup Guenièvre. Et donc, du coup, entre les deux, l'ennemi de Lancelot, l'amoureuse de Lancelot, a essayé de lui faire croire qu'il était mort. Et finalement, elle meurt sans avoir pu revoir Lancelot, de tristesse, en fait. Sur ces entrefaites, Lancelot, lui, a pris la mort de Guenièvre. Il est arrivé avec ses hommes, donc avec Bort, avec Lionel, avec Hector, qui n'ont pas du tout participé à la bataille finale, pour battre les fils de Mordred. Et ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont parvenir à les abattre. Alors par contre, Melian parvient à tuer Lionel, avant d'être tué par Bort à son tour, et l'autre fils de Mordred... L'autre fils est tué par Lancelot. Pardon ? L'autre fils de Mordred est tué par Lancelot. Exactement. Je crois pas qu'on nous dit son nom, ou en tout cas, on dit juste que c'est le plus vieux fils de Mordred qui était un bon chevalier qui portait l'insigne de son père. Mais Lancelot a réussi à le battre sans problème. Et d'ailleurs, Lancelot essaie de poursuivre en fait un chevalier qui est un duc de Gore, dont il savait qu'il était un traître. Et puis en fait, à un moment donné, il arrive à le battre. Mais il a avancé devant sa... Pour le poursuivre, il a avancé devant son armée. Et en fait, il a été perdu, en fait. Et c'est là qu'il arrive il arrive près d'un écuyer qui pense que Lancelot était en fait un des chevaliers de Mordred. Et puis qui lui dit « Ah, le roi Lionel est mort. C'est très triste. » Et il lui demande où il va rester. Et le chevalier dit « Je suis Lancelot. » Et du coup, l'écuyer est terrifié parce qu'il pense qu'il va le tuer. Et Lancelot est encore plus perdu. Il est triste, tourmenté. Et il finit par arriver en fait à l'ermitage où il trouve l'archevêque de Canterbury et Bleuberis, et il rentre à l'ermitage en fait, il devient un ermite, et il reste plus que du coup Bort dans l'armée de Lancelot, qui a vu la mort de son frère, qui est très très affecté et qui désire de... Il a tellement perdu au royaume de l'ogre en fait qu'il veut revenir, qu'il veut repartir. Son armée remarque qu'ils ont perdu la trace de Lancelot, donc ils savent pas où il est, justement, qui est parti un peu après avoir entendu. Voilà. Donc il ordonne à la moitié de son armée de revenir à Gaune avec le corps de Lionel, et il décide donc de rester et d'essayer de retrouver Lancelot. Hector reste avec lui parce que lui, il est affecté, quoi. Il veut retrouver son frère également. Et finalement, ils apprennent par un ermite que Lancelot est entré en ermitage, qu'il ne quittera jamais, et qu'avec lui vive Bleuberis et l'archevêque de Canterbury. Et finalement... On a une scène de la mort de Lancelot où justement Bliobliris parle dans son sommeil, il dit « Ah, c'est merveilleux, c'est si beau !» Et puis l'archevêque réveille Bliobliris et lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « Bah, j'ai eu une vision où j'ai vu qu'il y avait une fête des anges des cieux qui étaient rassemblés avec grande joie à Eliès et qui ont porté l'âme de Lancelot vers les cieux. Je sais maintenant que la pénitence a plus de valeur que rien au monde. Désormais, tant que je vivrai, je ne quitterai pas la voie de la pénitence. » Et ils vont voir Lancelot et effectivement, son âme a quitté son corps et il est mort. Entre-temps, ils ont quand même réussi à retrouver Hector a quand même réussi à retrouver Lancelot puis à le voir avant sa mort, donc il est aussi entré dans un étage, il est mort en fait juste avant Lancelot d'ailleurs. Lancelot de son côté lui voulait être enterré à la Joyeuse Garde, donc son corps est amené là-bas et on ouvre la tombe de Gallo. Vous vous souvenez du Lancelot, hein, Gallo s'était fait enterrer à la Joyeuse Garde, et donc comme dans la Vulgate on met le corps de Lancelot avec lui, avec Gallo, seigneur des îles distantes, et le corps de Lancelot, meilleur chevalier qui n'a jamais porté arme en Bretagne, à l'exception de Galad, son fils. Parce que j'aime bien, il y a une petite inscription qui fact-check l'inscription. Donc du coup, Bort arrive à ce moment-là aussi à la Joyeuse Garde, et puis il apprend effectivement la mort de Lancelot et ce qui lui est arrivé et où il est enterré. Bort explique qu'en fait il a été averti par un ermite de Gaune que s'il partait pour aller retrouver la Joyeuse Garde, il y verrait son seigneur mort ou vivant. Effectivement, bah, il voit Lancelot mort, et il fait vœu de rejoindre l'ermitage de Bliobéris et de l'archevêque de Canterbury, et renvoie un message à Gaune et en Gaule pour demander à ces gens de faire roi qui ils veulent, parce qu'il dit que lui il reviendra jamais. Et du coup Bort devient ermite, et il rencontre un quatrième compagnon, puisque Merochis, qui passait par là en armes, les voit en train de retourner vers leur ermitage. Et il leur demande qui ils sont, et il lui explique, et il les observe, et il fait vœu effectivement de les rejoindre aussi, parce qu'il se dit, pour le salut de son âme, en fait, il a besoin de la sauver, et donc il décide de les rejoindre en tant qu'ermite. Et donc, tous les quatre, ils vont vivre dans leur ermitage, en mémoire de Lancelot. Et c'est à ce moment-là que l'histoire arrête de parler d'eux, et se tourne vers le roi Marc, et comment il a appris la mort de tous les chevaliers du royaume de l'Ogre. Donc, le roi Marc, après la nouvelle de la mort de Lancelot, le roi Marc est encore en vie. Il est à ce moment-là plus vieux que n'importe quel autre roi au monde, ce qui est effectivement assez logique. Il est quand même plus vieux qu'Arthur, donc c'est assez, assez logique qu'il soit vraiment vieux. Mais on nous dit qu'il est quand même encore un chevaucheur robuste et qu'il il tient sa terre dans ses mains fermes, et donc il n'a peur d'aucun de ses voisins. Alors sa lignée avait été diminuée par la mort de Tristan, hein. Tristan est bien mort, mais il n'était pas triste à propos de ça. Il était par contre triste de la mort de la reine Iseu, parce qu'il l'aimait beaucoup. On dit vraiment, le texte nous dit vraiment, sa lignée avait été diminuée par la mort de Tristan, mais il n'était pas très triste à propos de ça. À propos de la mort de la reine Iseu, il est extrêmement triste, excessivement, parce qu'il l'avait aimé tant. Mais à propos de la mort de son neveu, non, il n'était pas triste, mais il était heureux. C'est vraiment très triste en haut, quoi. Donc vous vous souvenez, hein, la mort de Tristan, on vous renvoie à notre épisode sur le Tristan en prose. C'est la mort, Tristan meurt après avoir étouffé Iseu dans ses bras, littéralement. Hein. C'est effectivement assez triste. Et donc il décide basiquement de détruire tout le royaume de l'Ogre et de le saccager, en fait. Voilà. Toutes les reliques qu'on vient de voir, il va les bousiller. Sauf celles qui vont être détruites par Charlemagne. Déjà. Ouais, et il le fait seulement une fois qu'il a appris la mort de Lancelot, parce qu'il se dit, juste tant que Lancelot est encore vivant, peut-être que la lignée du roi Ban pourrait m'en empêcher. Effectivement, alors il va réussir à tout détruire. Il va détruire notamment la tombe de Lancelot. Il va ouvrir la tombe de Lancelot. Ouais. Il va brûler le corps de Lancelot et les os de Gallo. C'est vraiment complet, hein. Il va la Joyeuse Garde, il l'abat. Ah non, il fait Camelot. Il fait jeter les morceaux dans un lac où personne ne pourrait aller les retrouver. Il brûle les ossements et le corps de ce qui reste. Il arrive à la table ronde à Camelot. Il voit le siège de Galad et disant que parce que c'est Galad qui a provoqué sa défaite avec les Saxons. Qui a battu son armée. Il dit je vais commencer par détruire la table ronde par ce siège-là en fait. Il détruit la table ronde entièrement. Et c'est là qu'un chevalier de Cornouailles qui avait toujours détesté le roi Arthur et la lignée du roi Ban arrive pour dire au roi « Monseigneur, vous n'aurez pas mené vos efforts à leur bout si vous ne tuez pas le roi Bor et Bliobéris et l'archevêque de Canterbury et Merochis qui sont encore en vie et qui vivent dans cet ermitage. » Et donc le roi remarque, on voit quatre chevaliers pour les tuer. Donc il y a le côté un peu Thomas Becket à Canterbury, je trouvais. C'est très ça avait été inspiré par ça, parce que ça m'avait beaucoup fait penser à ça. Par contre, les quatre chevaliers qui sont partis en quête d'eux sont arrivés. Ils voient d'abord Merochis qui est en train de dormir, pâle, mal habillé. Et puis, ils ne le reconnaissent pas, il est devenu un ermite. Ils lui demandent qui ils sont. J'adore cette scène. Et il leur dit, vous trouverez les gens que vous cherchez dans cet ermitage, je suis Merogis, un de ceux-là. Alors il les amène, et il discute avec eux, et ils en prennent pitié, en fait, parce qu'ils sont vraiment, clairement, des hommes saints. Et en sortant, ils disent, ouais, est-ce qu'on devrait les tuer? Puis finalement, ils disent, non, on va pas les tuer, mais on va dire, dire au roi où ils sont. Donc, ils retournent auprès du roi Marc, et le roi Marc dit, bah alors, c'est des bonnes nouvelles, je vais pouvoir me venger en personne. Donc il prend des 4 chevaliers avec lui, et dit, amenez-moi là-bas. Le roi, armé de pied en cap, quitte sa compagnie, donc il veut partir sans que personne le sache, à l'exception de l'homme qui l'accompagne. Il les déteste tellement qu'il veut les tuer de ses mains, ses propres mains. Alors qu'il n'aura jamais rien fait, quoi. Bort. Il y a l'idée, comme quand il détruit la tombe de Lancelot, c'est l'idée que la lignée du roi Ban lui a causé trop de tort, en fait. Parce que il y a un peu de ça, mais il y a vraiment ce côté monomaniaque. Et Merogis, faut vous rappeler, c'est son propre fils. Bon, ouais. Il avait déjà essayé de le tuer quand même. Donc il veut finir le travail, j'imagine. Et à la fin, donc il trouve effectivement. J'aime beaucoup ça. Il arrive en fait à l'ermitage, il voit un cheval de la lignée du roi Ban qui s'appelle Polas, en fait, qui est juste arrivé. Visiblement, ça a devenu le the place to be. Si vous êtes de la lignée du roi Ban, il faut devenir ermite. Donc Polas, un jeune cheval, est arrivé, encore en armes. Il voit que c'est pas le chevalier qu'il cherche, vu que c'est pas un ermite, donc il sort de l'ermitage, il tourne autour et tombe sur les 4 ermites qui se réjouissent de nouvel arrivant. Et le roi Marc arrive et leur demande lequel d'entre vous est le roi Bort. Le roi Bort dit Monseigneur, c'est moi. C'est moi. En quoi puis-je vous être agréable? J'adore le texte question qui dit il demande à qui était Bort et Bliobéris, lesquels se levèrent aussitôt pour lui dire c'est nous, en quoi pouvons-nous vous être agréable? C'est ça. Et Marc qui répond ce qui me serait agréable, c'est une chose qui tournera à votre perte. Je suis le roi Marc de Cornouailles et je suis venu ici pour me venger. Et donc, du coup, là, il tire son épée, il s'apprête à aller tuer. Et l'archevêque de Canterbury, qui voit qu'il comprend clairement ce qui va se passer, se met sur le chemin de l'épée et il est tué par le roi Marc. Mais du coup, Polas, qui a vu ça arriver et qui est toujours armé, vous en souvenez, se lève et dit qu'est-ce qu'il dit selon toi, Polas? Alors, il dit roi Marc, félon et déloyal, tu viens de commettre une perfidie sans pareil, tu viens de perpétrer la méchanceté de tuer un homme tel que celui-ci, mais Dieu aidant, tu t'en trouveras mal si c'est en mon pouvoir. Et donc, du coup, Polas tue le roi Marc, il tire son épée, il charge le roi Marc, il le frappe, est tellement fort, et même le casque et la coiffe du roi ne l'empêchent pas de le fendre jusqu'aux dents. Alors Polar il reste quand même, pour que ce soit le crime parfait, il se tourne vers le chevalier qui l'accompagnait et il lui dit je te demande de ne rien dire au sujet de cette mort. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il promet qu'il n'en parlera jamais à personne. Et donc personne n'a jamais vraiment su comment le roi Marc était mort. Un mystère, vraiment. Et du coup, les 3 ermites restants et Polas enterrent le corps du roi Marc près de l'ermitage, mais en dehors du sol consacré, parce que il pense qu'il est un des plus félons du monde et qu'il ne mérite pas du coup d'être enterré en terre sainte. Et du coup, ainsi que nous l'avons dit, le roi Marc de Cornouailles est mort et les ermites sont restés dans l'ermitage au service de Dieu. Et nous avons fini. Amen. Et c'est la fin de la pause vulgate. C'est la fin de la pause vulgate. Alors j'adore cette fin, personnellement. La fin où Marc détruit tout et se fait lui-même tuer après avoir tué un archevêque, elle est pas mal. C'est extrêmement. Franchement, on peut dire beaucoup de choses sur la pause vulgate, notamment ses côtés peut-être un peu moins profonds que c'est la. C'est moins profond et je pense que c'est vraiment la version dark and gritty de la vulgate. C'est clairement la version. C'est la version années 90 des comics, c'est où tout le monde serre les dents en permanence. Rob Liefeld, Fit. Non, mais c'est ça, il y a vraiment de ça, avec beaucoup de morts, beaucoup c'est de. C'est Arthur Strikes Again. Beaucoup d'inceste, on l'a dit, beaucoup d'histoires d'inceste fraternel, un peu glauque peut-être pour faire écho à l'histoire d'Arthur. C'est un peu. All-Star Arthur et Lancelot. Mais tu l'as dit, t'as un peu aussi beaucoup de. Il y a aussi beaucoup de moments très touchants ou aussi un peu réalistes ou même horrifiques dans leur réalisme. Genre justement, le chevalier à qui on enlève le home et puis il a peur qu'on le décapite. Moments très. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment des. C'est assez situationnel. C'est la. Fanny Bogdanoff parle, enfin dit explicitement que ce qu'elle appelle le roman du Graal, donc cette pause-vue, n'a pas la joie de vivre qu'a par exemple le début du Lancelot, qui est effectivement très ah nous folâtrons dans la campagne agréablement. Effectivement, pas du tout, mais pour le coup, il y a ce côté, c'est plus la. Alors que le Lancelot Graal marque une importance très profonde aux personnages, on a des développements des personnages, le relationnel est très développé, aussi parce qu'il est si massif qu'on a le temps de raconter l'histoire d'amitié, d'amour presque entre Lancelot et Galeot, on a le temps de développer vraiment chaque personnalité, on peut vraiment comprendre, on a une texture Mordred, c'est une caricature dans la post-Vulgate, alors qu'il est beaucoup plus profond, beaucoup plus détaillé. Bon, pas de beaucoup. Pas de beaucoup, mais il reste quand même... Surtout dans la mort d'Arthur, on comprend un peu mieux le. Parce que là, on a l'impression que les chevaliers, c'est un peu des robots qui se croisent sur les routes et qui disent « Nous devons nous affronter, pourquoi ?» Et du coup, il y a juste Galad qui pense pas. Et un truc qu'on n'a pas mentionné, mais c'est que comme dans le Tristan en prose, il y a le serment de la table ronde. Donc théoriquement, les chevaliers de la table ronde, ils sont pas censés se battre entre eux. Et il y a plusieurs fois des gens qui le mentionnent, et puis à chaque fois, ils disent bah, « Je m'en fous, moi, du serment de... » Qu'est-ce que non, c'est ça peut faire ? Et même comparé au Tristan en prose, qui a quand même des moments psychologiques assez intéressants, là, pas du tout. C'est vraiment... À la limite, Palamède, c'est un de ceux qui est le plus développé intellectuellement parce qu'on a ce rapport à sa religion. Mais je pense qu'il y a des choses un peu... Il y a un tableau en nuance, vous n'allez pas avoir forcément de vie intérieure, mais par exemple, je pense que le traitement de Lancelot n'est pas trop mal, en fait, dans son lien à la rédemption, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que c'est un pécheur, mais il accède quand même à une forme de sainteté à la fin de sa vie et il est sauvé. Il y a quand même une vraie croyance, c'est-à-dire que on a dit que le truc est beaucoup plus cynique, noir, sombre, etc. Mais il y a une vraie croyance dans la vertu de la rédemption. Mmh. Et de la possibilité même pour les pires pécheurs. Bon, peut-être pas Mordred. Genre Arthur dit « Dieu, s'il vous plaît, mettez Mordred en enfer et moi au paradis. Amen. » Même quelqu'un comme Lancelot, par exemple, lui, il a un chemin vers la rédemption dans la pénitence. Après, il y a vraiment cet aspect assez intéressant, effectivement, où c'est, on voit des éclairs de vue ça, mais c'est essentiellement au service de l'histoire. Bogdanov parle justement du contraste entre le côté vraiment psychologique, personnel, développement des personnages du Lancelot Graal, par opposition au côté vraiment à l'efficacité narrative typiquement de la post-vulgate, qui est vraiment beaucoup plus streamlinée, qui a été, on voit les moments, on sent que le compilateur ou l'auteur de la post-vulgate a repéré les moments intéressants, il en a fait il leur a donné une importance particulière, au lieu d'accumuler typiquement les symboles et les trucs comme ça, il va se concentrer sur deux trois trucs, typiquement le coup douloureux, l'inceste d'Arthur et la naissance de Mordred. Il va un peu multiplier les combats par contre et voilà, mais c'est au service de l'intensité narrative, disons. Ça va d'un bout à l'autre. Mais par exemple Galad, qui dans la quête est vraiment cet être qui vient basiquement d'un autre monde et qui est parfait, ultra mondain et supérieur à tous. Là, on a un Galad qui est vraiment, on l'a dit, il y a des gens qui se moquent de lui, il y a des gens qui se battent contre lui tout le temps. C'est un des rares personnages qui est plus intéressant. Je trouve, dans l'ensemble, quand même, c'est rare que les personnages soient plus intéressants dans le. Perceval s'en sort un petit peu mieux, quand même. Ouais. Galad s'en sort mieux que, je trouve, effectivement, du point de vue de la personnalité, que dans le. Parce que dans la quête du Graal Vulgate, vraiment, il a une marche triomphante à travers la quête du Graal où il peut rien rater, il passe son temps à libérer des trucs. Là, on a quand même. Il est face à un monde qui est profondément hostile, quoi. Il est face justement aux frères de Gauvin et compagnie qui n'arrêtent pas de massacrer des gens. Voilà, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quand même une perte de vitesse en termes de développement des personnages au profit de cette intensité narrative. Parce qu'il faut dire qu'il se passe beaucoup plus de choses que dans un espace très court. On aligne beaucoup plus. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé globalement du cycle de la post-vulgate ? Je le trouve intéressant parce que ça met en place vraiment ce qui va devenir après... la matière de Bretagne qu'on connaît, en fait. C'est peut-être moins alien pour nous, ce côté, enfin alien dans le sens, on est moins aliéné de ce cycle là que de la Vulgate, qui nous paraît bizarre, qui nous paraît vraiment un mastodonte qui craque aux fissures, où on voit vraiment la difficulté de retracer là. Quand on le lit comme ça, même s'il y a des trous, on a l'impression quand même d'avoir une histoire continue un peu plus. Cette idée du compilateur qui dit j'ai voulu faire trois parties à mon. Voilà, ce côté vraiment déterminé, plus fixe. On a moins tendance à avoir quatre explications pour le même fait, par exemple, qui est un peu caractéristique de ces versions. Il y a des explications qui manquent et puis des trucs qui sont pas expliqués aussi. Mais c'est moins visible, c'est moins intéressant généralement. Je veux dire, voilà, un détail. Wow, on nous a dit que ce chevalier allait mourir là, puis il meurt pas. Bon, d'accord. Mais le côté symbolique, typiquement typiquement leur relation, alors autant qu'Orbenic, bon ça c'est assez mal expliqué, mais le roi pêcheur, le Graal, le soin, la quête, la conséquence du coup douloureux, le soin par Galad, c'est plus clair, c'est plus simple. Ça c'est clair qu'il n'y a pas 8 ans de coups douloureux. Il n'y a pas 8 ans de coups douloureux. Bah, si, quand même. Enfin, ouais, bon, techniquement il y en a plein dans l'histoire, mais ils n'ont pas d'influence après de toute façon. On peut penser qu'ils étaient un peu plus simplifiés, disons, dans la version... Dans la version qui allait avec, en fait, on peut penser. Mais donc, ce qui est vraiment intéressant, du coup, c'est les différences. Mais je dois dire que la suite du roman de Merlin est beaucoup plus intéressante à lire que la quête. Oui, et la clairement, mort, parce qu'il y a plus de différences. Il y a beaucoup plus de différences et vous avez vraiment une histoire. Alors que la quête et la mort Arthur, oui, on a essayé de mentionner les différences, mais vous les voyez pas forcément à l'œil nu, puis ça demande vraiment de les mettre côte à côte et de les comparer, quoi. Après, même quand il y a des différences, c'est pas toujours positif, quoi. Typiquement, toute l'histoire de la mort de la Morak, autant elle est intéressante parce qu'elle apparaît pas ailleurs, mais disons, c'est une histoire qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, on ne sait pas comment il est mort. On sait comment il meurt, on sait les conséquences. Enfin, on sait pourquoi il a couché avec la mère de Gauvin et d'Agravin. Enfin, la mère des frères de Gauvin et ses frères. Mais enfin, en quoi c'est. On n'explore pas ça. C'est un fait intéressant. On pourrait explorer ça plus en profondeur qu'on le fait, en fait. Et dans un roman comme la Vulgate, ça aurait été peut-être plus visible, effectivement, comme dans le Lancelot Graal. on aurait eu plus d'espace, on aurait plus d'espace dédié à ça. Et puis... Puis ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est le traitement de Gauvin dans la suite du roman de Merlin, où ça devient vraiment... c'est vraiment le tournant où ça devient vraiment un personnage maléfique par rapport à son personnage dans la suite du roman de Merlin, où il va être un tueur, il va mentir, il va mentir à des gens, par exemple, quand il s'arrange pour essayer de faire tuer Palamède, où il ment à Galahad et il dit « Ah, Palamède m'a attaqué, il a fait ça, c'est pas vrai », mais il essaie de pousser Galahad à affronter Palamède. Par rapport à la suite Vulgate, où il est encore... la suite du roman de Merlin, où il est encore un peu... Non, il est encore assez relativement héroïque. Et là, justement, on a ce truc où on est dans un monde où les gens, on l'a déjà mentionné pour la suite du roman de Merlin, mais les gens racontent des histoires et on ne sait pas s'ils ont raison. Ils disent « Ouais, il y a machin qui a tué mon frère. Non, c'est lui qui a tué la sœur. » Et puis après, ils s'entretuent, puis on est là, bon, qui avait raison, et parfois on le sait pas. Il y a un côté, s'il y a un côté vraiment qui subsiste, c'est plutôt effectivement ce côté très critique de la chevalerie, beaucoup plus que dans le Lancelot Graal quand même. Ouais. Lancelot Graal a ce côté parfois moralisateur, mais c'est quand même, ça reste confiné quand même un peu plus à... Ça reste confiné à la quête, en fait. Voilà, là, ça transparaît partout, et c'est plus universel. Et ça tend peut-être même le caractère d'Arthur, justement, qui devient un violeur qui engendre Arthur le petit. Arthur le mineur, c'est ça. Il y a même des personnages comme Arthur ne sont pas épargnés par ça. Alors après, il y a peut-être un... Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un programme très différent du Lancelot Graal, mais il y a, ironiquement, pour dire que c'est quand même moins religieux, c'est moins lourd en symbolisme religieux que le Lancelot Graal, il y en a quand même, hein, on l'a vu typiquement dans les passages qui sont les plus directement repris de la Vulgate, de la casse Vulgate, mais il y a quand même une morale plus, disons, qui est à travers ça, notamment typiquement Lancelot qui se fait gronder à tout bout de champ, et c'est peut-être ironiquement, c'est peut-être le moins visible dans la mort. Ou pour le coup, là, on a l'impression que c'est vraiment la mort de la Vulgate qui est simplement très compressée, mais où Lancelot est de nouveau le personnage héroïque, il est tout à fait dans son bon droit d'ailleurs. La preuve, c'est que tout se passe bien une fois qu'il est mis en duel. Enfin, il bat Gauvin sans problème. Il peut battre littéralement. Il est comme ça par rapport à Arthur qui essaie de s'agiter contre lui, puis il le retient à distance en essayant de faire oh, il est mignon, il essaie de me battre. Mais c'est presque un peu paradoxal en fait, cette mort. S'il y a quelque chose qui me semble un peu, disons, même si. Ça a été, c'est ça qui a été transmis dans tout le reste du cycle. La mort s'en retrouve presque un peu dégonflée en fait. Ouais, mais je pense qu'une manière de le lire, c'est de voir que Lancelot prend justement dans ce rôle, dans cette question de la rédemption de la chevalerie et du péché, où il reprend une place dans la mort du roi Arthur parce qu'il redevient justement un des personnages vertueux alors que le reste de la cour a sombré. Oui, finalement, il a, à côté d'un Perceval ou d'un Galahad, il faisait pas le figure. Mais une fois que Perceval, Galahad, à la limite Bort, mais Bort reste un peu détaché de ça, une fois que Galahad et Perceval sont partis, il ne reste plus que des Gauvins, des Agravins, et une Gaëriette qui meurt stupidement parce que le roi lui a ordonné de rester avec les autres. Il y a ce côté un peu tragique, effectivement, qui reste, qui est... Mais d'un autre côté, voilà, il y a aussi le fait que la tragédie du conflit entre Lancelot et Arthur est complètement minée par le fait que on a vu la caisse avant, et dans la caisse, Agravin, Mordred, même Gaëret et même Gauvin se comportent extrêmement mal. Ouais. Alors que ça devient vraiment une vendetta. Typiquement. Alors que dans Lancelot Graal, même si effectivement il y a ce whiplash assez fort entre la caisse et puis la mort, on peut rester attaché relativement à Gauvin. Gaëriette, même à Agravin, même s'il est un peu brutal, parce qu'on n'a pas ces épisodes avant où il passe son temps à tabasser, à tuer des chevaliers de la table ronde. Je pense un truc assez révélateur, c'est après la bataille de Salisbury et que tout le monde est mort, on a encore Arthur le petit et puis Bliobléris qui s'affrontent. Puis Arthur qui fait « Ouais, vous êtes du lignage du roi Ban, vous avez causé la perte de cette... » Donc cette espèce de vendetta, même quand la bataille finale qui a tué tout le monde a tué tout le monde, on a les nouveaux personnages, la nouvelle génération qui continuent à se battre, donc c'est vraiment... Ouais, c'est cette idée que la vengeance a tout empoisonné finalement. Oui, c'est ça, il y a vraiment ce côté cette tragédie quoi, qui est plus profonde et qui va plus loin et qui se résout vraiment que par la destruction totale en fait, quasiment de tout quoi. C'est vraiment très triste. Y a vraiment ce côté beaucoup plus, le fait que la quête aussi, la quête soit plus triste, disons, souligne aussi le fait que même au cours de la quête du Graal, on a eu tellement un prix tel lourd à payer qui est finalement aussi continué par... Même le personnage de Palamède aussi, qui se convertit, qui rejoint la quête et puis qui se fait immédiatement tuer. Enfin, immédiatement, quelques temps après tuer. Bon, après, il a été là pendant assez longtemps avant. Hein, mais c'est triste quand même de voir... qu'il n'avait pas de place dans ce panthéon. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'arrivée finalement au premier plan de chevalier qu'on avait un peu, soit qui n'était pas présent avant, soit qui était présent mais dans des entours très secondaires, typiquement Bilioberis, qui est mentionné pour la première fois chez Chrétien, mais qui vraiment prend de l'importance qu'avec le Tristan, et puis vraiment là, et où il devient des chevaliers principaux vers la fin du récit. La montée en puissance justement d'Arthur le Mineur, de Mérogis aussi, qui sont assez intéressantes, je trouve, là-dedans. C'est des personnages un peu secondaires qui remplissent des offices. Avant, on aurait eu Bédivère, par exemple. Ben là, on a Guirflay, et puis on a surtout Bilioberis et Mérogis, quoi. Donc, je trouve intéressant, quoi. C'est une œuvre que je recommanderais de lire pour les fanas. Hein. Je suis pas sûr que. J'aimerais bien qu'un jour elle soit lisible d'une manière facile en français. Ce serait quand même. Après, je me demande quand même quand on lira Mallory à quel point on se dira, mais pourquoi les gens qui veulent traduire ça, pourquoi ils regardent ces éditions hispaniques bizarres et puis ils vont pas simplement prendre des trucs chez Mallory. Ouais. Je pense que ce serait. J'ai l'impression, enfin je vous dis ça comme ça, j'ai pas encore fini de lire le Mortel d'Arthur de Mallory, j'ai lu des bouts dans ma formation universitaire, mais j'ai jamais lu tout, et je me demande, quand je lisais ça, en fait, je me souvenais exactement de ce que j'avais lu de la fin de la mort d'Arthur chez Mallory, et c'est quasi exactement ça, quoi. Donc je me demande finalement si le conseil que je pourrais pas faire aux gens, c'est plutôt lisez Mallory, c'est quand même un peu plus... Ça, je pense qu'on y viendra l'année prochaine. Sans doute, on peut même faire durer ça un peu longtemps, parce que Mallory, c'est le 15e siècle. Hein, ça, et qu'en fait, cet épisode porte aussi sur Mallory. Alors, livre 1 de Mallory. On est reparti pour 3 heures. Du coup, ça conclut cette 3e année de Rescondam Resque Futurus aussi, avec la post-vulgate. On va encore parler de récits français l'année suivante, je pense. On va encore vous parler de romans du 13e siècle, mais... Oui, on a plein, on va... plein de petits qu'on n'a pas du tout mentionnés. Mais on va se tourner aussi un peu plus vers d'autres horizons, peut-être parler un peu plus de récits allemands, de récits anglais, peut-être, pour commencer un peu à en parler. Qu'on parle des récits dans les autres langues, et un objectif pas mal, ce serait de parler Mallory fin de l'année prochaine, par exemple, Noël prochain. Je te parie que dans la fin de l'année prochaine, on se dira, non, mais on n'a pas encore fait assez de trucs, il faut vraiment qu'on fasse ça en fin 2021. Enfin, on a le temps d'ici là. On espère que vous serez toujours en train de nous écouter d'ici là. On va vous souhaiter surtout de bonnes fêtes. On va vous dire au revoir pour le moment et vous retrouver en début d'année prochaine, probablement début février. Passez des bons moments dans le froid hivernal à vous raconter des histoires de la table ronde. Je sais pas ce que tu as prévu pour les fêtes, Laïs. Moi, je vais aller me balader chez les gens avec une hache et puis pas un verre entièrement. Exactement. Une bonne activité d'hiver, comme ça, c'est très sympathique. D'ici là, joyeuses fêtes, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas... La quête continue. Should all the acquaintance be forgot and never brought in mind? Should all the acquaintance be forgot and auld lang syne? For auld lang syne for auld lang syne, we'll tak a couple kindness yet. For auld lang syne, we twa be peddled in the bun frae morning sun till dawn. But see. Thank you. Thank you.